vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jimmy Thibodeau exposera une idée reçue de la gauche dans sa chronique gauchère, Bévue, et Marc-Olivier sortira quelques actualités sportives de son sac dans Sport et Flocher. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 24 octobre 2017. Eh bien oui, c'est mardi, on est de retour en force. Du moins, Mathieu est là pour faire quelques bruits oui, de fond. Je suis là. Je fais la technique au moins. Exactement, me c'est ça. Me sent-il. Tout à fait. On est à 185 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien Mathieu ouais, Plante Mathieu est avec Plante. Moi aussi. Il est physiquement présent. Pour le reste, je pourrais pas te dire. Je sais pas. Ça va pas super bien encore aujourd'hui, mais mieux qu'hier, je pense. Oui. J'espère. Hier, j'étais pas là, toi non plus. Non, c'est ça, exactement. Je pense qu'on s'est donné le mot hier pour dire, bon, regarde, on va abandonner cette émission-là. Oui. Moi, j'étais dans mon lit toute la journée. Toi, t'avais juste mal à la gorge. Exactement. Ça va mieux, ta gorge? Ça va mieux. J'ai carburé aux pastilles hier. Ouais. Ah, moi aussi, je suis sur mon deuxième paquet de pastilles. Et la première fois que je parle depuis jeudi après-midi, en tant que tel, en ce moment. C'est vrai, autre qu'à ton chat. Ok, oui, une fois, sans faire exprès, j'ai parlé à mon chat. C'est ça. Ça compte pas, là. Mais non. Ça compte pas. Donc, je vais prendre ça mono encore aujourd'hui, mais te dire quand même compagnie, Tania, on a beaucoup de chroniqueurs aujourd'hui. Tout à fait. Entre autres, Jimmy Thibodeau qui nous revient encore cette semaine, parce qu'on l'a dit la semaine dernière. C'est un ancien nouveau, ouais. Mais on va le voir à toutes les semaines. Mais du moins, on va le voir, on va l'entendre à toutes les semaines nous, avec nous. On va nous. Le voir. C'est ça, exactement. Caméra 3 aussi va le voir, mais pour les autres, vous allez simplement l'entendre. Changement d'air pour Marc-Olivier Dumas aujourd'hui. Vous le savez, la plupart des étudiants sont en relâche. Oui. Et si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Alors, Marc-Olivier Dumas va être vers les 9h30. 9h30, exactement. Petit changement d'horaire de ce côté-ci. Et Dominique Mavungu sera parmi nous à partir de 8h30. À son heure habituelle. Exactement. Voilà. Autour de ça, tu vas nous faire ta collègue Tania Esgolin-Tutenia. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Eh bien, on va faire un petit peu comme la semaine dernière lorsque tu avais des complications avec ta voix. Les mêmes complications, mais. Exactement. Bon. Les mêmes complications. Ça sonnait un petit peu moins bien. Je vais c'est te l'avouer. Mais on va faire une panoplie de sujets, en fait, aujourd'hui, vous allez voir, et on va alterner ça avec beaucoup de musique, évidemment, parce que, bon, c'est un matin assez sombre. Vraiment très sombre. Très, très sombre. On sent que le froid s'en vient de plus en plus. Le ciel est beau. Tantôt, tu vas voir Facebook et Instagram se garnir de beaux petits ciels roses, mauves. Hein? Moi aussi, j'ai remarqué en m'en venant, c'est très beau, c'est très Instagrammable. Voilà. Alors, prenez des photos ce matin. Mais sinon, on va parler, entre autres, de coccinelle. Oui, de pas la voiture, mais bien l'insecte. Aussi, quelques activités. On va probablement parler aussi un petit peu d'amour, Mathieu, si on a le temps dans tout ça dans différentes sphères de Tania Esgun Entertainment. D'après moi, on a le temps aujourd'hui. Oui, d'après moi. Probablement. Je vais pas promettre de fausses choses. Non. On va commencer en musique, par contre, avec une pièce de la bronze de l'entrée du palmarès francophone. Il n'y a pas eu de palmarès hier, donc on n'a pas entendu une nouvelle entrée encore. Ça va se faire ce midi? Ça va se faire ce midi. Ça va être moi, ça, ce midi, ça. Ah, t'as pas de cours aujourd'hui? Non. Oh, on va être ensemble? Oui. Incroyable, on apprend des choses live à radio. La bronze qu'on écoute tout de suite, voici. On danse par en dedans. C'est pas mal ça que ça fait, moi, c'est surtout le mucus qui danse. Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léché avec tes gros coupants. Tu voulais me sombrer avec toi. Mais je dansais avec Dieu déjà. Tu t'es craché dans ta gueule à toi. Tu t'es tué encore une belle fois. de tes mots. Au fond, je savais qu'elle ne me garderait pas au chaud. La bronze, on danse, parents dedans, un peu comme ce que Mathieu ressent ce matin. C'est bon ça. Oui, meilleur que oui c'est merveilleux, c'est du la bronze. L'autre fois, tu nous avais fait entendre une pièce dans les palmarès, c'était pas aussi bon que ça, il me semble. C'était celle-là? C'était celle-là, en fait. Wow! Tu vois, moi, la deuxième écoute est la meilleure. Oui, exactement. La première, je fais comme, pas sûr. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Hey, on a reçu tellement de commentaires en fin de semaine par rapport à ma voix. Si vous écoutiez hier matin entre 7h et 10h, c'était une reprise de l'édition week-end de vendredi. Et ça a fait que les gens nous ont écrit plus que d'habitude vendredi, dimanche et lundi lors de la diffusion de cette émission-là. Ça va continuer aujourd'hui, ma mauvaise voix. Mm-hmm. Ça va continuer dans une chronique qu'on appelle « Son foutu palmarès ». C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, je suis allé médical un petit peu dans ma chronique avec 8 choses étranges qu'on a retirées du corps des gens. Arc. Un peu comme, ouais, c'est ça, un peu comme moi ce matin, j'ai retiré des choses vraiment bizarres de ma gorge. Oui. J'irai pas dans les détails. Non, c'est ça, merci. C'était un peu trop foncé pour moi. Mais il y a des gens qui ont retiré pire que ça. Oui. Donc, nos corps ont plusieurs orifices. Vous connaissez sûrement ces orifices-là. Pas besoin de vous les expliquer. Hein? Les narines. Les narines, sûrement. C'est ce que je parle. Exact, les trous d'oreilles, des fois. Hein? Donc, bref, il y a des choses qui ont été retirées bizarrement de plusieurs endroits. Comme un gars qui pensait qu'il avait un cancer du poumon, mais qui a découvert que c'était un petit cône de construction, mais en jouet. Ah! Qu'il avait logé dans son poumon après l'avoir aspiré par accident 40 ans avant. Mon Dieu! Ça arrive. Donc, on continue avec une anguille. OK. Dans le rectum. Non. Oui, non. Une anguille dans le rectum. En janvier 2004, le journal médical Surgery a publié les détails d'une journée à Kwong Wah Hospital à Hong Kong où un homme de 50 ans avait été admis avec des problèmes à l'estomac. Il y a un rayon X qui lui a montré, dans le fond, le contour d'une anguille de 20 pouces. Hey, c'est dégueulasse. L'homme avait admis l'avoir inséré dans son rectum pour soulager sa constipation, tout le monde fait, évidemment. Mais oui, c'est ça. Hein? C'est ce qu'on appelle un suppositoire, évidemment. C'est ça. Ça a compliqué les choses, par contre. On ne sait pas comment il pensait que ça allait régler son problème de rectum, mais bon. Bref, pardon. Ça va faire une nix en colère. Ben oui. L'anguille était vivante. Et on l'a trouvé en train de le mordre dans son... Ouais, c'est ça. Lorsqu'il a été ouvert pour sa chirurgie. Une perforation dans un des murs de son rectum a nécessité une colostomie. Notamment, c'est pas le seul cas d'un homme qui présentait donc un problème d'anguille dans le rectum. En 2012, en Nouvelle-Zélande, l'Auckland City Hospital a confirmé qu'un homme avait été admis pour le même problème. Mais voyons, cette idée de mettre des anguilles pour... la constipation. Franchement. Ouais. Une anguille en français, savais-tu qu'on a différentes façons de le dire, hein? Parce qu'une sea eel, c'est une anguille de mer. Mm-hmm. Sand eel, qui serait dans le fond une anguille de sable, s'appelle en français une équille. Ah, je savais pas. Conger eel en anglais, c'est une anguille de roche. Ouais. Et eel stripe, je crois que c'est quelque chose qu'on a dans les cheveux. En français, raie de mulet. OK. Ça se peut-tu, eel stripe? D'après moi, c'est quand... je vais chercher c'est quoi un eel stripe. Je sais pas non plus. Marque hein. primitive qu'on retrouve sur des sacs. C'est une décoration. Ah. Ouais, c'est dans les cheveux, entre autres. Ouais, ouais exactement. Ouais, bah, ouais. Ouais. Continuons avec 40 couteaux de poche. Pardon? Dans l'estomac. Juste ça. Oui, juste ça, juste ça. Pica. Est-ce que tu connais PICA? Non. C'est un terme utilisé pour décrire le besoin de manger quelque chose qui n'est pas mangeable. Ah, OK. Comme des pièces de monnaie, du métal, oui. Des objets non nutritifs. Les chirurgiens chez Amritsar Corporate Hospital en Inde ont été capables d'extraire, de vivre ce phénomène-là, oui, en 2016, lorsqu'un officier de police de 42 ans a été admis pour des maux à l'estomac. Il avait avalé exactement 40 couteaux de poche d'environ 7 pouces de longueur. Ben, voyons-là. Certains étaient fermés, d'autres étaient ouverts, ce qui a causé des saignements internes. L'homme dit avoir avalé ça depuis les deux derniers mois. Ils ont tous réussi à être enlevés. Ben, en fait, les médecins ont réussi à les enlever de l'estomac. Il a décrit sa compulsion comme une impulsion, en fait. Mais je jurais qu'il n'avait pas répété cette pratique-là de manger des couteaux. Et quand tu calcules ça, là, c'est presque plus de 20 couteaux par mois. C'est vraiment ouais, ouais. plus qu'un couteau par jour. C'est fou, hein? Mais voyons. Il y en a qui ont des troubles comme ça. Ouais. Cerveau. Ah, celle-là, mec. Oui, toujours dans les choses qu'on a retrouvées dans les corps des gens, une coquerelle dans l'oreille. Non! Hendrik Helmer de Darwin en Australie, un des seuls patients à avoir été assez brave pour attacher son nom à ce type de nouvelles, a dit à ABC Radio Darwin en 2014 qu'il s'était réveillé dans le milieu de la nuit avec une douleur intense dans son oreille, pensant qu'un insecte était entré et espérant que c'était pas une araignée empoisonnée, comme on retrouve souvent en Australie. Helmer a essayé de la sortir avec un aspirateur de son canal auditif. Mais franchement. Avant de se rendre à l'hôpital, un médecin a versé de l'huile d'olive dans son oreille pour essayer de faire sortir la créature. Helmer disait que la douleur était encore plus intense avec ça. Et finalement, les médecins ont utilisé des forceps pour retirer la coquerelle mesurant environ un pouce de longueur, un petit peu moins. pardon. Et en plus des problèmes d'équilibre et de douleur à la mâchoire, Helmer, sinon, elle est... on dit qu'elle est quand même bien. La coquerelle, par contre, était morte. Ah, une chance. C'est moins bonne nouvelle. Ben, en tout cas. En tout cas. Ensuite, un clou. Oui. Au cerveau. Ouh. Oh! Un clou au cerveau. Une journée qui a commencé comme n'importe quelle autre pour un résident de Chicago, Dante Otiolo, qui était occupé donc à faire de la rénovation dans sa résidence, avant d'avoir des maux de tête et de la nausée. Finalement, c'est qu'il s'était accidentellement tiré dans la tête avec un fusil à clou. Mais non! Le jour avant. Il l'avait pas remarqué, je sais pas comment tu fais ça, croyant que le clou avait juste manqué sa tête de quelques centimètres, quelques millimètres. Bref, le projectile était logé dans son cerveau pendant 36 heures avant d'être enlevé. Et apparemment, ça n'a pas eu d'effet secondaire par la suite. Ensuite, un pneu Lego. Ben oui, les petits pneus Lego. Dans le nez. Oh! Oh boy. Ça, c'est un enfant? En fait, oui, c'est okay. un enfant, oui. C'est un enfant. Si un adulte se ramasse avec un pneu de Lego dans le nez, là, j'aurais quelques questions à poser. Je suis pas sûr de ça du tout. Bref, c'est un garçon de 6 ans de Salt Lake City, Isaac Lassen, qui a entré donc fait rentrer un pneu de véhicule Lego dans son nez à l'âge de 3 ans. Il commençait à avoir des problèmes de sinus chroniques, comme moi en ce moment, mais en permanence. Oui, c'est ça. Lorsqu'on lui a posé des questions, Lassen a seulement admis qu'il avait mis du spaghetti dans son nez une fois. Un pédiatre a réussi à retrouver le pneu qui était couvert de moisissures, de champignons, et il l'a enlevé. La théorie était que Lassen avait réussi à plier le pneu pour qu'il puisse entrer dans sa narine. Okay. C'est un pneu en caoutchouc. Ah, parce qu'ils sont gros, là, quand même. Effectivement. Ensuite, toujours dans la liste des choses qu'on a retrouvées dans le corps des gens, des petits pois ouais. dans les poumons. En 2010, ben oui, un homme de Cape Cod nommé Ron Sweden a été soulagé de trouver, d'apprendre en fait que son inconfort à la poitrine qu'il vivait n'était pas à cause d'un cancer du poumon, comme les médecins le pensaient, mais par une plante de petits pois qui essaie de grossir, de pousser dans ses poumons. Sweden avait apparemment aspiré une graine de pois qui a commencé donc à faire ce qu'elle avait à faire, à grandir. Ça n'a pas grandi tant que ça parce que les plantes de pois ont besoin de lumière du soleil et il n'y en avait pas dans son corps, bien sûr. Après l'avoir traité, Sweden a reçu un repas à l'hôpital avec, évidemment, des, ça, c'est un hasard, des petits pois en à côté. Et il y a bien gros riz quand il a vu ça. C'est un hasard. C'est très drôle. Ensuite, une bouteille de liqueur. Où tu penses? Évidemment. T'as pas le choix. Dans les fesses. Non, il fait furine. Il fait furine. Une bouteille de liqueur, donc une bouteille de soda. On dit chaque année que le US Consumer Product Safety Commission envoie une liste de choses sérieuses qu'on a trouvées dans les fesses des patients et dans d'autres orifices, que ce soit des pots de barres d'arachide ou des télécommandes. En 2009, le Saudi Journal of Gastroenterology a détaillé un de ces cas où un homme avait visité un hôpital local après ne pas avoir réussi à sortir une bouteille de liqueur qui s'était insérée dans le rectum. Au début, on a essayé de le sortir de là. Ça n'a pas fonctionné, bien sûr, parce que le mucus rendait la surface trop glissante. Oh non! Ouais, pour pouvoir le sortir de là, la sortir de là. À la place, les médecins ont endormi l'homme, mais légèrement. Ils ont demandé de se pencher comme s'il avait, comme s'il était en train de faire kiki. Une fois que la bouteille était partiellement sortie, ils ont réussi à l'attraper avec des forceps. Encore une fois, le journal dit que des bâtons de balai, des poignées de hache, c'est ça, ont déjà été trouvées aussi par le passé. Les patients doivent aller se faire conseiller peut-être chez le psychologue pour un désordre pervers. Mettons. Inconduite. Hein? Aïe. Sexuelle. Et finalement, dernière sur la liste de choses qu'on a trouvées dans le corps des gens, chose inexplicable, une fourchette de plastique de chez Wendy's, encore une fois dans le poumon. Hein? Manger de la nourriture. Comment ça peut se ramasser là? Comment est-ce que tu te rends jusque-là? Ben, c'est un homme en Caroline du Nord qui souffrait de toux chronique et de fatigue pendant 2 ans avant que les médecins découvrent qu'il avait un morceau de fourchette pris dans son poumon. C'est John Manley, 50 ans, qui est allé chercher l'attention médicale en 2009 pour des symptômes, pour différents symptômes. Un pulmologue, qu'on dit. À l'université Duke, donc, a cherché un petit peu dans ses poumons. Avec radiographie, j'imagine, il a trouvé un morceau de fourchette avec le mot « hamburger » écrit dessus, ce qui est typique du slogan de Wendy's, qui est « Old Fashioned Hamburgers ». L'objet a été retiré, les symptômes ont fini par partir. Hey, wow, hein? C'est quelque chose, ça. Vraiment. La liste complète sur assemblagerequis.com, ça vous intéresse. Il n'y a pas de photo, une chance. Une chance. Bref, voilà pour son foutu palmarès. On se prend une autre pause musicale. Et on se dit, bon, quand quelque chose sort du corps rapidement, tu te dis, hey, ça m'est venu d'en face, ça m'est arrivé d'en face. Ouais. Donc voici It Came to Me de The Bar Brothers. Nouvelle entrée sur le palmarès anglophone à Assemblage Rick. We'll be right back. The Bar Brothers, It Came to Me, à Assemblage Rocky. On prend une pause au retour. C'est à ton tour, Tania, je pense. Eh bien, oui. On se renvoie la balle tout le long de l'émission, la première partie. Exactement. C'est ça, c'est beau quand je fais ça. Ça, c'était très beau. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Dans l'émission matinale Assemblage Reiki, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Mathieu, on parlait des petites photos du ciel tout à l'heure. Eh bien, oui. Ah, ça commence, hein? Ça commence. Mais c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Oui, c'est très, très beau, par exemple. Quand il est rose et mauve comme ça, j'aime ça. On doit l'avouer. On le voit un petit peu moins. Ouais, mais c'est fini, je pense. Ouais, c'est triste un peu. C'était très beau. Très beau. Fallait que ça dure. Exact. Mais bon, hein? C'est comme ça. On peut pas tout avoir. Eh ben non. Dans quelques instants, tu vas nous parler un petit peu, Tania, de quoi dans ta chronique, Tania, is going to Tania? Je vous parle de coccinelle matin. OK. Oui. Quelque chose de spécial qu'on peut avoir dans un orifice du corps, toi aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Non, plutôt, vous allez voir, vous allez voir. OK. On se garde le punch pour plus tard. Oui. Contrairement à toi qui regarde ma prochaine chronique déjà et qui sait ce qui s'en vient dans ma prochaine. Espèce de tannante. On s'écoute quelque chose que j'aimerais bien avoir pour peut-être réussir à, je sais pas, soit l'endormir pour une semaine ou bien essayer de le réveiller un petit peu de son malaise, genre moi, avec mon rhume en ce moment. Une poupée voodoo, c'est ça que je voulais dire. Donc voici Zen Bamboo et poupée voodoo. À son âge, Ricky! Au 89 FM! J'ai traversé le monde dans un tuyau sous la terre. Je trouve ça juste drôle de me croire encore. Seulement vous. Et la pièce Poupez-vous doux, Assemblage Rocky. C'est vraiment bon, le rythme est super bon, mais je peux même pas chanter dessus, c'est plate. Oh. C'est un peu comme ton intro de chronique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas. Je sais pas, on va se le laisser rouler, je pense. Ben oui. Dessus. Ben ouais, c'est ça. Imaginez-vous là, c'est du karaoké. C'est bon, sans le vomi. Ah, Tania, ça manque un peu, ça manque. On a fait des tatatatatas. Oui, c'est ça, on a laissé le bon soin aux gens dans leur voiture de pouvoir la chanter à leur guise. Ils la connaissent, ça fait quoi, 2 ans complètes et un petit peu plus qu'on oui, a ce thème-là? Exactement. On n'est pas tannés encore. Non, ouais. Je sais, hein. Donc, Tania, aujourd'hui, tu nous parles de coccinelles. Oui, parce que Mathieu, je sais pas pour toi, chez toi, mais ces derniers temps, il y a des coccinelles partout. C'est drôle que tu parles de ça parce que non, j'ai pas de coccinelles, mais j'ai beaucoup de petites. Et là, pourtant, je sors mes poubelles régulièrement. Ouais. Même après les avoir sorties, sont encore là. Et j'en avais qui me suivaient dans la rue aujourd'hui. Mais des petites mouches à fruits. Oui, oui, l'humidité, il fait chaud quand même. Il y en a plein. C'est ça, c'est exactement. Comme, voyons, qu'est-ce que vous faites à me tourner autour. Ouais, mais les coccinelles, en fait, c'est peut-être juste chez toi. Par contre, chez moi, il y en a vraiment beaucoup. Et ouais. Je sais qu'il y en a chez plusieurs personnes. Et c'est un petit peu comme une évasion présentement. De coccinelles. J'en ai vu une coupe, ça. On se pose la question, pourquoi il y a autant de coccinelles? En fait, ça remonte un petit peu aux années 1980. Hein? Eh bien oui, parce que c'est une coccinelle asiatique. Oh. C'est l'Harmonia axyridis. C'est originaire de Chine et ça a été importé dans plusieurs pays comme un insecte qui allait être bénéfique. Mm. L'idée, en fait, c'était de pouvoir libérer en bonne quantité les coccinelles pour qu'ils puissent aller manger les pucerons. C'est une proie qui est préférée chez les coccinelles, apparemment. Et on voulait que ça se fasse pour un contrôle sans pesticides dans les champs. On voulait pas que ce soit indésirable. On voulait pas que les gens puissent dire qu'il y avait des pesticides sur la nourriture ou quoi que ce soit. Alors, on a tout simplement décidé d'importer cette coccinelle asiatique-là. Par contre, cette fameuse petite coccinelle, ça l'a tellement bien fonctionné que la coccinelle asiatique s'est établie ici. Il y en a même, tu dois en donner un peu. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, ça s'est établi à l'état sauvage un petit peu partout. C'est maintenant l'espèce numéro 1 en Amérique du Nord. Et c'est en pleine expansion aussi, entre autres en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique. Donc, c'est un petit peu au détriment des coccinelles indigènes parce que, bon, eux sont en voie de disparition. Ceux qu'on connaissait avant ici aussi. Mais là, ça fait en sorte que ça s'est accouplé, ces petites bébites-là. Ensemble, les deux races, non? Pas nécessairement les deux races, mais okay. Les coccinelles qui ont été implantées ici pour pouvoir justement enlever les pucerons des champs. Ils ont décidé justement qu'on aimait beaucoup, beaucoup l'aspect du Québec. Fouillez-moi pourquoi, l'aspect du Canada aussi. Donc, on est devenu une espèce de prodigieuse consommatrice d'insectes nuisibles. Pour ça, c'est correct, on les adore. Mais maintenant, quand l'automne arrive, elles se ramassent un petit peu dans les endroits les plus chauds. Et ça s'avère être nos maisons, mesdames, bonjour. Messieurs. Alors, pour les personnes que j'ai vues sur Internet, entre autres, poster certains mimes de coccinelles, des coccinelles partout, eh bien oui, c'est pour ça, c'est parce que votre maison, elle est chaude et les coccinelles, présentement, ce sont des coccinelles asiatiques. Elles sont attirées quand même par le chaud. Donc, du moment que l'automne arrive, elles vont chercher à aller vers cette chaleur-là et on entre parfois par milliers parce que les individus ont trouvé les coccinelles, là, quand je parle d'individus, on a trouvé un logis qui était très confortable et ça dégage une espèce de phéromone qui en attire beaucoup d'autres. Mm-hmm. Donc, nos maisons sont attirantes pour ces petites coccinelles-là. Une chance qu'ils sont cute, hein? Une chance. Donc, c'est un phénomène qui persiste d'une année à l'autre. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le voit. Mais là, cette année, ce qu'on voit, c'est que la chaleur, elle perdure. Oui, c'est mieux que les petits verres blancs, au moins. Oui, ça, c'est sûr. Mais les coccinelles, en fait, ont trouvé la demeure parce qu'elles ont trouvé tendance à revenir. Et justement, quand la température change comme elle a changé ces derniers temps, du fait qu'il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus longtemps, mais c'est sûr qu'ils vont en avoir beaucoup plus parce qu'elles ont le temps de s'accoupler et de pouvoir reproduire. Donc, on parle d'un envahissement qui est maintenant en train de détruire la bonne réputation des coccinelles. Tu sais, ces petites coccinelles cute là qu'on connaît. Ben là, on les haït, tu sais, tu comprends? Ça fait en sorte qu'on veut plus en avoir. Mais il y en a vraiment beaucoup dans nos régions, surtout du côté du Québec. Donc, on envahit nos maisons et c'est une coccinelle que si elle se sent agressée, elle peut mordre. Oui. Inquiétez-vous pas, là. puis ça va pas vous blesser, là. Mais elle va mordre pareil. C'est ça, exactement. Après, c'est ça. Non, exactement. Mais ça va pouvoir peut-être aussi dégager un liquide, une espèce d'odeur désagréable. Ça va tacher peut-être vos murs ou vos vêtements, tout dépendant si vous avez réussi à les sortir par le balcon ou non. Wow. Oui, donc si vous vous ramassez avec des petites taches parfois sur les murs, posez-vous la question, « Hey, j'ai peut-être des petites coccinelles en dedans. » Eh ben. Parce qu'elles volent en plus, hein, ces coccinelles-là, donc c'est pas la chose la plus facile à sortir de votre chez-vous si jamais vous avez de la difficulté. Et faites attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui deviennent allergiques à ce petit liquide-là qui est lancé par la coccinelle, donc ça peut peut-être vous donner un indicatif de justement si la coccinelle est à l'intérieur de votre maison. On reconnaît surtout la coccinelle asiatique par la tendance à pouvoir se regrouper à l'automne. Ah. Donc, si ça arrive chez vous par une panoplie de milliers ou une panoplie de 10, là, c'est justement à cause de ça. C'est parce qu'ils se tiennent en groupe. Donc, c'est assez difficile de pouvoir distinguer un petit peu les coccinelles qui ne seront pas... Là, quand je dis « dangereuses », je le mets vraiment entre guillemets, là, qui ne vont pas envahir votre maison. En fait, elles ont différentes couleurs et c'est vraiment par les couleurs que vous allez pouvoir les différencier si jamais ça vous tente d'essayer. Là. Les couleurs rouge, orange, jaune et noir. Donc, vous allez pouvoir voir le nombre aussi qui vont varier. S'il y en a juste une chez vous, c'est probablement une coccinelle qui s'est, un, perdue de sa gang. Deux, c'est probablement une coccinelle qu'on est habitué de voir au Québec depuis avant les coccinelles asiatiques. Si vous voyez des rouges, des oranges, des jaunes puis des verts, c'est que là, vous regardez vos piments. C'est ça exactement. C'est pas la même chose. Vous n'êtes pas dans le bon... c'est ça, exactement. Si elles arrivent en dizaines, ça, c'est des coccinelles asiatiques. Donc, c'est une façon pour la reconnaître qui est généralement... se tiennent en groupe, comme je le disais tout à l'heure. Donc, elle va pas arriver avec juste une dans la fenêtre puis elle va essayer de rentrer chez vous. Là. Elles vont arriver à une dizaine approximativement et ça peut aller jusqu'à une vingtaine. Donc, faites attention parce que si vous avez, par exemple, des moustiquaires qui ferment mal, si vous avez une porte patio qui ferme mal, bien, ce sont tous des petits endroits qu'ils vont pouvoir regarder pour pouvoir rentrer dans votre chez vous. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est assez difficile de pouvoir faire sortir des coccinelles. C'est pas comme faire sortir une abeille. Fouille-moi pourquoi. Est-ce que tu y vas avec un aspirateur, sinon? Tu pourrais? J'imagine. Tu veux pas les tuer, c'est ça? Mais on veut pas les tuer. Il faut surtout penser à calfeutrer toutes les entrées qui sont possibles pour eux. Donc, les petits endroits. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, nous, il fait encore chaud. Donc, on veut pas nécessairement calfeutrer nos fenêtres tout de suite. Par contre, c'est quelque chose auquel on va devoir penser assez vite. Quant aux insectes qui sont déjà dans la maison, bien, comme tu le disais, un aspirateur, ça peut être une bonne façon de pouvoir s'en débarrasser. Pour ceux qui n'ont pas de conscience. Bien, c'est ça. C'est peut-être un petit peu méchant. Ah. Mais ça dépend ce que vous voulez faire avec ces coccinelles-là. Là, si, ils vont mourir dehors, pareil. Ben, ça dépend. Ils vont peut-être trouver logis dans une autre maison où il y a... L'amour de leur vie. Où il y a 1000 coccinelles. La madame, elle aime peut-être ça. Mais en fait, cet automne, on a vraiment remarqué que les coccinelles ont passé à l'offensive. Elles se sont montrées quand même assez agressives. Et agressante, sachez-le. Donc, tout à l'heure, on parlait des années 80. C'est vraiment vers le début des années 60 que les Américains, c'est un petit peu à cause d'eux, mais les Américains ont décidé de rapporter d'Asie des coccinelles, justement pour que ce soit un petit peu plus écologique de pouvoir lutter contre les pucerons. Donc, depuis 1994, on les retrouve dans certaines régions du Canada. Et comme je le disais tout à l'heure, le Québec, ça semble être un endroit favori. On le voyait moins avant parce que, justement, notre température changeait drastiquement et changeait très rapidement. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ces coccinelles-là au Québec. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est justement avec le réchauffement climatique, ça fait en sorte que nos températures sont chaudes beaucoup plus longtemps. Donc, elles ont eu vent de tout ça dans d'autres régions du Canada et elles ont décidé de s'en venir par ici avec les chaleurs. Donc, par exemple, si on regarde les autres régions du Canada, il y a le Manitoba aussi où les coccinelles envahissent les jardins. Ça envahit les maisons à la proche de l'hiver, mais là, c'est beaucoup plus grave qu'ici. Là, quand on parle d'envahissement, tu sais, des fois, on va parler de fourmis au Québec. Ben, c'est un petit peu comme ça, mais avec des coccinelles du côté du Manitoba. Donc, c'est beaucoup plus gros. Et certains disent que c'est un porte-bonheur pour certaines croyances. Mais là, avec 142 dans votre maison, là, ça va bien. Là, le bonheur... Du petit jus de bonheur sur les murs. Là, c'est ça, exactement. Hein? Donc, on fait surtout attention aux coccinelles quand elles vont s'approcher du jardin. Parce que oui, on l'a dit, c'est bon pour pouvoir contrer les pucerons, c'est bon pour pouvoir y aller de façon écologique, mais ça va surtout manger aussi les petites feuilles qu'il y a dans votre jardin. Donc, faites attention si à ce temps-ci de l'année, vous avez encore de la chance d'avoir un jardin. Peut-être observer de temps en temps l'état de vos feuilles et vous allez voir si vous avez des trous sur vos feuilles qui sont pas nécessairement des trous que vous voyez à longueur d'année, mais posez-vous la question que peut-être vous avez des coccinelles qui s'en viennent. Et l'insecte, justement, qui vient d'Asie, est en train de faire vivre un véritable enfer à certains résidents de plusieurs régions du Canada. Tout à l'heure, on parlait du Québec parce que, bon, on est ici. Mais les gens au Manitoba, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. On parle de maisons entières qui sont recouvertes de coccinelles. Donc, il faut s'habituer, en fait, parce que plus le changement climatique va changer, plus il va faire chaud plus longtemps. Donc, ce sont des choses qui vont commencer à être vues de plus en plus. Les invasions coccinelles à l'automne qui vont aller jusqu'à la mi-novembre, c'est quelque chose qui va se voir de plus en plus ici au Québec. Et il y a des entomologistes à l'université, par exemple, du Manitoba ou à l'université de Montréal qui disent justement qu'il y a une nouvelle réalité qui est expliquée par la nature. C'est justement les changements climatiques qui font en sorte que ça devient un petit peu désagréable. Et en Asie, lorsque l'hiver arrive, bien, ces coccinelles-là, ça va migrer vers des lieux qui sont situés en temps normal, en altitude, ou encore sur des surfaces qui vont être ensoleillées, qui vont être rocheuses. Mais ici, au Canada, lorsqu'on les a importées, on n'a jamais pensé à ça. Mmh. On n'a surtout pas pensé au fait qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de montagnes. Et on se rabat sur les constructions des maisons parce que c'est haut. Alors, c'est la raison du pourquoi vous allez voir certaines coccinelles être vraiment désagréables encore pendant un bon petit bout de temps. C'est justement parce que le temps qu'on va essayer de passer à l'hiver, il y a un côté de votre maison qui va quand même rester ensoleillé. Ouais. Et le toit de votre maison, la plupart du temps au Québec, ça va être noir. Donc, ça va être extrêmement chaud et c'est ça qu'elles aiment. Donc, le pays est particulièrement touché par l'invasion de coccinelles cette année en raison d'une explosion de la population de pucerons. On a eu beaucoup, beaucoup de pucerons. On veut y aller un petit peu plus écologiquement, encore une fois. On veut pas nécessairement mettre trop de pesticides, mais elles, c'est leur proie numéro un. Elles savent où ils fouinent, ils cherchent. Et c'est les pucerons qu'on veut tout simplement contrer ici. Donc, les coccinelles, sachez-le, elles sont pas là pour mal faire ou pour faire une invasion à la Stephen King de son prochain roman. C'est surtout justement pour pouvoir empêcher les pucerons de défaire vos jardins ou de garder vos petites carottes bien normales. Donc, on dit bien évidemment que ce sont des insectes qui ne représentent pas de danger pour les humains, mais ça présente quand même certains désagréments. Là, c'est pas super le fun d'avoir une dizaine de coccinelles chez vous. Donc, on va tenter de les déloger. Ça va sécréter, tout à l'heure, comme on le disait, un produit un petit jus. C'est pour les lodges. Qui va tacher vos murs et peut-être provoquer certaines allergies. Donc, faites attention à ça. C'est la seule chose à laquelle vous devez faire attention. Sinon, c'est pas dangereux, les petites coccinelles qui sont un petit peu partout. Mais d'où elles viennent exactement? Bien, comme on le disait tout à l'heure, 20e siècle, les Américains, c'est leur faute. On a décidé d'importer plein de coccinelles asiatiques, mais on n'a jamais pensé au fait qu'il faudrait qu'ils partent à un moment donné. Donc, on s'est établi tout d'abord en Louisiane. Et par la suite, ça s'est répandu dans le reste du pays. Et depuis 10 ans, bien, on a décidé de migrer vers le Canada. Et on retrouve maintenant tout ça un petit peu partout au Canada, surtout au Québec. Chez moi, j'en ai vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait qu'il y ait des arbres autour de mon immeuble. Mais si vous avez la chance de pouvoir les sortir de chez vous sans les aspirer avec un aspirateur, ouais, faites-le comme ça. Mais c'est qu'on se blâme tous nous-mêmes. T'sais, on se dit, ah, j'ai-tu laissé de la nourriture? J'ai-tu pas fait ma vaisselle à temps? Mais c'est ça, on se pose des questions. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il cherche la chaleur, en fait. Ouais. Puis à cette heure-ci de l'année, bien, on va commencer à monter le chauffage un petit peu plus, bien souvent. Donc, elles vont ressentir ça, puis elles vont aller chercher ça. Eh hey boy! Voilà! Ça aurait été un bon argument pour Salvaille. À place de dire « Would you like to see my cock? » Il aurait dit « Would you like to see my coccinelle? » Ouais. Il aurait fait comme « c'est pas de ma faute, je voulais juste montrer mes coccinelles. » C'est ça, exactement. Ouais. Ça... Hey, les coccinelles, c'est cute, on l'a dit. T'as l'impression qu'ils portent une petite robe. Ben oui. Tu as une belle petite robe. Puis sinon, ils ont peut-être l'air d'une cerise. Un peu. OK. Tu trouves pas? Une cerise? Oui. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on écoute Cherry Cherry avec Tragédie en Tuxedo. Ah, sondage, OK. Au 89.fm. Thank you. Merde Belly avec Off the Lot. Ah, ça m'a dit qui s'était précédé de Cherry Cherry. Cherry Cherry, oui, avec Tragédie en Tuxedo. Tania m'a demandé, tu mettais pas une pièce? Oui, oui. Les deux ont été mises. T'es en train de me dire que mon mix était vraiment excellent, c'est ça que tu veux c'est faire? C'est ça, exact. On prend une pause. Au retour, ça va être mon tour, un petit peu. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. À la Maison de la Culture de Trois-Rivières. François Bellefeuille essaye des nouvelles affaires en rodage les 11 et 12 octobre. Philippe Laprise présente son projet Entre deux shows les 19 et 20 octobre. Et Juste pour rire offre des 5 à 7 à la fois drôles et intimes les 12 et 26 octobre ainsi que le 30 novembre. Pour la programmation complète, consultez onspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Est-ce que j'ai entendu Juste pour rire, drôle et intime? Je pense que... Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Deuxième heure de sondage requis en ce mardi 24 octobre 2017, Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Ok, oui, j'ai oublié de te remercier tantôt pour ta chronique. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, c'est fait. Merci. maintenant, c'est à mon tour. Comme on l'a dit, on se renvoie la balle pendant cette première partie d'émission. Et oui. C'est le moment de retourner à notre chronique de liste. Donc, voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. son foutu palmarès, on va établir des listes sur des sujets plus ou moins précis. Et c'est assez précis cette semaine. Aujourd'hui, en fait, tantôt, j'ai parlé de choses qu'on avait retrouvées dans le corps des gens à l'hôpital. Oui. On continue dans la même veine avec des maladies bizarres que la science n'arrive pas à expliquer. Oh, d'accord. Alors, on a tous entendu parler de rhume, on a tous entendu parler de trucs comme ça, c'est facile. Mais il y a des choses un petit peu plus rares chez certaines personnes, donc des symptômes assez particuliers dont on parle dans cette chronique. Donc, on commence avec le syndrome de l'accent étranger. OK. Ouais, donc c'est le Foreign Accent Syndrome, qui est un désordre rare où une personne va soudainement changer sa façon de parler, comme s'il parlait avec un autre accent. Les scientifiques lisent ça à des attaques ou de la sclérose en plaques. Des fois, on sait juste pas, des fois, il y a rien. Mais en parlant avec quelqu'un d'un autre accent ou en parlant avec quelqu'un du même accent que toi? Je pense que c'est en général. OK. Ouais. Du jour au lendemain, le ouais. Bing bang. T'as un accent hindou. Oh. Je sais pas. Ensuite, le syndrome de la bouche qui brûle, le Burning Mouth Syndrome. Donc, les gens qui ont une brûlure chronique dans la bouche, sur la langue, gencives, lèvres et joues, ont ce syndrome-là. Il n'y a pas de cause connue jusqu'à maintenant et plusieurs médecins ne savent pas comment le traiter. OK. Ensuite, Laughing Death. Dans certains cas, le rire peut mener à la mort. Ouais. À travers l'histoire, les gens ont ri jusqu'à ce qu'ils asphyxient ou que leur cœur arrête. Hey, faut que tu ris, là. Ouais, ça me rappelle les épisodes de Mort étrange. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle, ça, Mort insolite? Me semble que c'est ça, non? Bref, ensuite, l'allergie à l'eau. Oui. La Terre est faite à 70% d'eau et nos corps à peu près la même chose. Donc, pour ceux qui ont une allergie à l'eau ou l'aquagénique urticaria, le monde peut être vraiment dangereux. Ces gens-là ont des plaques rouges un petit peu partout sur leur peau. Wow. Hey, te laver, ça doit être pénible. C'est ça. Ensuite, bon, la schizophrénie, hein. Oui. Les médecins ont certaines idées de pourquoi on peut avoir la schizophrénie, que ce soit les gènes, les virus, un problème à la naissance, mais c'est toujours pas conclusif. Les schizophrènes, la schizophrénie, oui, peut être sévère, un désordre mental chronique qui affecte comment la personne pense, comment elle se sent et comment elle se comporte. Ensuite, on a celui-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui en rient. Le Persistent Genital Arousal Disorder. Donc, le désordre d'être allumé sexuellement en permanence. Oh boy! Ou de façon persistante. Donc, ces gens-là sont toujours excités, même sans raison. Ces symptômes-là peuvent durer pendant plusieurs mois, peuvent affecter la vie quotidienne d'une personne. Il pourrait y avoir plusieurs causes pour ce PGAD, mais les médecins ont de la difficulté à trouver une cause spécifique. C'est difficile à diagnostiquer. Ensuite, le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Hey, j'ai déjà entendu ça, ce syndrome-là. C'est un syndrome où il y a une maladie assez fascinante où une personne a l'impression de grossir ou de rapetisser à l'intérieur d'une même pièce. D'autres croient que la pièce grossit elle-même ou rapetisse à la place de la personne elle-même. Les médecins pensent qu'un traumatisme à la tête, de l'épilepsie ou des symptômes de la migraine chez les adultes sont ce qui pourrait amener le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. À ne pas confondre avec le syndrome. L'oncle, je me rappelle pas si on en parle plus tard dans la liste, là, mais le syndrome de la personne qui reste endormie pendant plusieurs semaines de suite. Là. La belle au bois dormant? Voilà, c'est ça. Faut pas mélanger les deux. Ouais, les... non, c'est ça. Ensuite, le syndrome de Moebius. C'est un désordre neurologique qui affecte la capacité d'une personne à faire des mouvements de la face. Ils sont incapables de sourire, d'avoir l'air méchant ou de faire des mouvements latéraux des yeux. Les médecins croient que c'est des facteurs environnementaux et génétiques qui jouent un rôle là-dedans, mais on n'est toujours pas sûr en général de pourquoi c'est que ça a lieu. Ensuite, Bleeding Calf Syndrome. Calf, c'est un veau, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Donc, le syndrome du veau saignant. Une maladie relativement nouvelle qui a été diagnostiquée pour la première fois au Royaume-Uni. Les veaux avec cette maladie-là ont des symptômes de fièvre élevée et de sang. Ben, dans le fond, c'est du sang qui sort de la peau. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ceux qui ont cette maladie-là vont pas mal toujours mourir. Les scientifiques enquêtent toujours sur la cause. Donc, c'est vraiment chez les animaux et non pas chez les humains, celui-là. Ça me surprend que ce soit dans la liste, alors. Ensuite, le Working Hand Syndrome, syndrome de la main qui travaille, travaillante. Donc, c'est une maladie où les gens ont de la douleur. Des fois, ils se sentent un petit peu mou. Des fois, ils ont du chatouillement. Des fois, une sensation de brûlure qui peut augmenter pendant la nuit. Les études de ces patients-là montrent aucun dommage aux nerfs ou aux muscles, ce qui fait que la cause est mystérieuse. Donc, la main, il se passe plein de choses dedans et tu sais pas pourquoi. C'est spécial. Tu cherches longtemps et tu trouves pas. Ensuite, la porphyrie. Porphyria disease. Donc, ça arrive lorsque des trucs chimiques dans le corps de quelqu'un vont produire trop de porphyrine. Donc, ça peut causer des problèmes dans le corps comme les vomissements, le picotement et des crises. Entre autres, mais pire que ça, ça peut faire qu'une personne va être sensible un petit peu trop à la lumière, ce qui va endommager sévèrement la peau. Et étant donné ces symptômes-là, certains appellent ça la maladie du vampire, bien sûr. Le Power Disease. Ensuite, On a le Jumping Frenchman of Maine Disorder. OK. Wow. Donc, quand quelqu'un claque la porte ou te touche de derrière, tu fais « Hey, Eric! » Ouais. Réaction naturelle pourrait être d'avoir peur. Eh bien, le Jumping Frenchman of Maine Disorder, par contre, chez cette personne-là, cette réaction va être exagérée et anormale. Donc, c'est une maladie rare qui fait que les gens vont sauter complètement en bas de leur chaise. Ils vont bouger les bras énormément, vont répéter des mots comme des perroquets, vont dire des jurons sans cesse. Donc la cause est inconnue, la maladie est très rare et les médecins croient que c'est possiblement un désordre neuropsychiatrique. Possible, fort possible. Ouais. Ensuite, la maladie de la peau bleue. Ah, ça fait peur. Ouais, très rare et génétique comme maladie. Blue skin disease ou la méthémoglobinémia. Voilà. Donc, la personne a des niveaux de méthémoglobine très élevés. Une molécule dans les cellules, les cellules rouges, oui, qui distribue l'oxygène au corps. Et étant donné ces niveaux élevés, la peau de la personne devient totalement bleue. Le cas le plus célèbre est la famille Fugate, qui vivait dans les collines du Kentucky, oui, entre 1800 et 1960. Ensuite, le syndrome du mort-vivant, si on veut, le Walking Corpse Syndrome, sinon connu sous le nom du syndrome de Cotard. C'est lorsque quelqu'un croit qu'ils sont complètement morts. Plusieurs croient qu'ils n'existent pas et que leur cerveau et leurs organes ne sont plus là. Ouais, wow. Ah, OK. Ensuite, t'as la toux chronique non expliquée. Ah, c'est toi, ça, Mathieu? Ouais, ben, elle est pas mal expliquée, je pense. Elle n'a pas de diagnostic précis, mais tantôt ou demain, elle devrait en avoir. Bref, tousser est une réaction normale que notre corps fait pour essayer d'éliminer les particules que le corps ne désire pas. Par contre, après 8 semaines, cette personne a toujours de la difficulté avec une toux sans aucun autre symptôme. Ça s'appelle donc chronic unexplained cough, la toux inexpliquée chronique. Ensuite, continuons, on a presque terminé, on a deux tiers de fait presque. on y va avec l'orchialgie chronique. Qu'est-ce que c'est ça? Une autre façon de dire une douleur aux testicules. Ooh. Lorsque toutes les autres causes ont été éliminées, que les médecins sont pas sûrs de ce que ça pourrait être la cause, la condition n'est pas super commune et les médecins sont en dilemme et savent pas comment traiter cette condition-là sans avoir la cause derrière. Ensuite, le syndrome de la main extraterrestre. Alien Hand Syndrome, aussi appelé le syndrome de Dr. Strangelove. Je crois que c'est en français Dr. Folamour, quelque chose comme ça. Bref, c'est un phénomène rare où la personne va perdre le contrôle de sa main et sa main va devenir sa propre créature, si on veut, avoir son propre cerveau. Ouais, ouais, ouais. Dans un cas précis, la main gauche d'une femme bougeait sans sa connaissance et lui flattait les cheveux et son visage comme si quelqu'un d'autre la contrôlait. Ça fait peur. En théâtre, lorsque tu étudies en théâtre, on t'apprend cette technique-là, en fait, de pouvoir faire ça. D'avoir l'air naturel en faisant ça. Ouais. C'est fou. C'est vraiment très fou. T'aimais ça? Ouais, je connais ça. Non, t'aimais ça? Non. Non. Je trouve ça vraiment freak. Ensuite, Duncan Dermatosis, qui s'appelle aussi Terra Firma Formé Dermatosis, une condition où les gens forment des plaques qui ressemblent un petit peu à de la saleté partout sur leur corps. Ça peut être pris pour d'autres maladies, par contre, donc plusieurs patients vont passer à travers plusieurs procédures qui ne sont pas nécessaires avant d'avoir finalement le diagnostic. J'aime comment la photo, en fait, sur le site internet, c'est juste une fille qui est recouverte de scrub. Ouais, on dirait. Mais peut-être que c'est la vraie maladie. Peut-être. Parce que ça ressemble à ça. Ensuite, l'hypersensibilité électromagnétique. Oh! Electromagnetic hypersensitivity. Donc, c'est lorsque quelqu'un dit être sensible à tout ce qui est électromagnétique dans la place. Ils disent avoir des réactions à la peau comme des rougeurs, chatouillements, picotements, sensations de brûlure. Les patients peuvent aussi dire qu'ils sont fatigués, qu'ils ont la tête qui tourne, la nausée. C'est une maladie controversée parce que les scientifiques ne sont pas certains si c'est vraiment physique ou encore seulement psychiatrique. Ensuite, celui-là m'impressionne depuis toujours, le polydactylisme. Tu connais ça? Okay, ben? C'est quand quelqu'un naît avec des orteils ou des doigts de plus. Ouh, oui! Ouais, c'est souvent seulement de la... Pardon, c'est seulement souvent de la peau. Oui. Et non pas des doigts. Mais des fois, il va y avoir des jointures et des os quand même. Et des fois, la personne n'a pas le contrôle de ce membre de plus, ben, de ce... Comment dire? De ce doigt de plus, cet orteil-là. Étant donné que c'est que la poussée de ces doigts-là est sporadique, les médecins ne sont pas certains de quelle est la cause derrière tout ça. Il nous en reste seulement 5. L'hypertrichosis. Peut-être avez-vous entendu ou vu des photos de gens qui ont des poils partout au visage. Le syndrome du loup-garou. Ouais, c'est ça, le syndrome du loup-garou. Lorsqu'une personne a des poils excessifs un petit peu partout sur leur corps, les options de traitement sont limitées malheureusement et plusieurs ont appris bien sûr à se faire enlever ça par laser. D'autres sont fiers de ça et vont les garder pour la vie. Mais bon, comme vous voulez. Ensuite, le syndrome de Cronkite Canada. Une maladie rare avec des symptômes qui vont de la perte du goût, des polypes intestinales, de la perte de cheveux et des problèmes avec la poussée de vos ongles. Ça arrive surtout chez les gens qui ont 59 ans et plus et il n'y a pas de cause connue ou de composante génétique. Mais pourquoi il y a le nom Canada là-dedans? J'imagine les gens qui les ont découverts. Ah, peut-être. Ensuite, la maladie de Hailey-Hailey. Deux personnes qui s'appellent Hailey, on comprend. Ouf. Des ordres génétiques rares qui se révèlent sous la forme de cloches, des blisters, des... comment t'appelles ça quand t'as un blister, là, une espèce de bulle là, de peau là, sur la peau? Là. Une bulle. Genre, une bref, ampoule? Ça, une érosion, une ampoule. Pardonnez-moi. C'est sporadique et ça arrive un petit peu n'importe quand, donc c'est difficile de trouver la cause. Ensuite, le syndrome de Perry-Romberg, entre l'âge de 5 et de 15 ans, ça arrive lorsque la peau et le tissu de la moitié de la face de la personne se détériorent, donc c'est accompagné de crises et de douleurs faciales. Et le pica, finalement, on en a parlé tantôt, lorsque les gens mangent des choses qu'ils ne devaient pas manger. Oui. On en y va en musique, Tan? Ben oui, tout à avec fait, Mathieu. Avec Pierre Quenders, voici Bittersweet Mornings à son lagerie. Quenders et Bittersweet Mornings featuring Fly Guy Die. Assemblage hockey. Ok, oui. L'émission qui continue comme ça, et Tania, on a des trucs à se discuter ensemble. Ah ouais? J'ai entendu dire que tu veux me divertir pendant quelques instants. Ben oui, certainement. Définitivement. De quoi on parle? Ah, je pensais que tu mettais... Quoi? Je pensais que tu mettais l'autre fond, Mathieu. Est-ce que tu veux une tanière de gelatine encore? Ben, ça ne dérange pas. OK, ben, Caroline, on y va, on va se gâter. Pourquoi prendre ça à la légère? Ben ouais. Voici une autre chronique de Tania is gonna entertain you. Et on va faire des petits bruits de sucre. OK. Moi, je suis pas capable de faire les tatatas. Bref, Tania, deuxième chronique de Tania Esgolin Tourigna pour ce matin. Exactement. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'activité. Vous allez voir. La semaine dernière, j'ai fait un petit peu une espèce de blitz de ce qu'on pouvait faire durant l'automne. Ouais. Là, cette fois, on va encore pouvoir parler d'automne, ne vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, je vais commencer avec des exercices que vous pouvez faire, même si vous pensez, en fait, manquer de compétences sportives. Oui, j'ai ça, moi, un manque de compétences sportives. Donc, c'est quelques façons, en fait, de pouvoir se remettre en forme. Et parfois, juste d'essayer de se remettre en forme, ça peut titiller un petit peu les idées, tout dépendant de l'âge qu'on a, la détermination. Ouais. Qu'on a. En tout cas, moi, je sais qu'à force de cracher, je pense que je me suis fait des abdos. Ah ouais? Avec mon rhume. Ouais. Ah, bon, c'est bien. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un coureur de marathon ou, par exemple, être un habitué du gym pour essayer d'avoir des avantages d'une bonne session d'exercice. Ça peut se faire n'importe quand. Donc, il y a certains des meilleurs entraînements qui ne demandent pas nécessairement d'aptitudes particulières, sachez-le. Et il y a une étude qui a été publiée en 2015 par un professeur de médecine à la Harvard Medical School et qui dit justement qu'il y a des choses qui sont très faciles. Il y a des choses du quotidien aussi qu'on n'a pas nécessairement tout le temps l'impression de faire, mais qui font partie des bonnes habitudes de vie et qui font partie, bien évidemment, de se remettre en forme pour certains. Donc, on s'entraîne déjà sans le savoir. Exactement. Donc, c'est des routines qui peuvent augmenter, par exemple, la masse musculaire, qui peuvent permettre de perdre du poids ou encore de protéger notre cœur et notre cerveau. Parfois, la santé, à la base, c'est de pouvoir justement se rendre plus loin dans la vie. Ouais. Alors, si on essaie de protéger notre cœur, c'est déjà à la base une bonne chose de fait. Sachez-le, la recherche était vedette sur Harvard Health un petit peu plus tôt ce mois-ci et il y a des experts qui ont parlé pour avoir des meilleurs exercices, pour pouvoir en faire. Qu'est-ce qui ne requiert pas d'expertise particulière? Et on a ressorti, en fait, quelques exercices et vous pouvez les incorporer à votre routine d'exercice. Donc, la première, je pense que c'est un classique pour plusieurs, mais c'est la marche. En fait, la recherche continue de montrer que la marche rapide, c'est une des meilleures façons de pouvoir garder votre corps et votre esprit en santé. On parle pas juste de marcher normal chillos, là. Faut marcher sur un pas soutenu. Exactement. Ouais. Exact. Ça dépend combien de temps vous le faites aussi, on s'entend. Mais je me suis souvent fait dire « Oh mon Dieu, tu marches donc bien trop vite dans la vie. » Alors, je me dis que la marche, ça pourrait être peut-être une bonne chose. Ben oui. Mais il y a plusieurs études qui ont démontré que le fait de marcher, ça peut réduire la tension artérielle. Ça aide bien évidemment la gestion du poids et ça réduit le risque de maladie. Donc, déjà en partant, on a ce qu'on veut dans ça. Et le plus on va en faire dans une semaine, le mieux ça va être. Donc, il y a une étude qui a été publiée en 2014 qui a aussi trouvé que de prendre des marches en nature, ça peut aider à réduire les symptômes de la dépression. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de randonnée pédestre, mais c'est le genre de marche qui peut très bien aider à tout ça si jamais vous êtes dans la situation où vous commencez à être en dépression saisonnière. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, exactement. Bien, contrer tout ça, passer à l'action, aller faire un petit peu de marche en nature garder avec de la musique. Regardez les écureuils, les oiseaux. Regardez les écureuils. Amenez-vous votre petit drink, là, si vous voulez. Quand, dans la forêt, non, ça, mais quand je parle de petits drinks, là, votre café, votre thé ou peu importe, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez essayer aussi de commencer en prenant des promenades de 10 à 15 minutes et de tranquillement prendre des marches qui vont être beaucoup plus longues. Ouais, en faisant le tour du bloc ou en allant plus loin, tu devrais... 10 à 15 minutes, on s'entend, c'est pas très, très long. Non. Si vous le faites de plus en plus ou si vous faites une marche de 10 à 15 minutes trois fois à semaine, ça peut s'avérer être très, très bon. Par la suite, comme on le dit, bien, vous allez tout simplement faciliter la longue marche par la suite et vous pouvez facilement aussi incorporer tout ça dans votre quotidien. Par exemple, si vous stationnez votre voiture un petit peu plus loin, bien, vous allez marcher le reste à distance. Ah, c'est beau ça. Sachez-le. Ça se fait facilement. Le deuxième, c'est la natation. Ah oui. On parle de compétences sportives, c'est sûr que si vous savez pas nager à la base, essayez pas la natation, ça pourrait être un petit peu compliqué. Mais la natation, c'est un des meilleurs sports parce que ça travaille plusieurs groupes musculaires. Et ici, on parle aussi d'un exercice qui est à faible impact. Donc, la natation, c'est un sport idéal pour les gens qui vont être plus âgés ou pour les gens avec des conditions chroniques comme l'arthrite, parce que ça va pas créer de tension sur les articulations du corps. Et ça va aussi démontrer que la natation peut protéger votre cerveau d'une espèce de déclin qui est relié à l'âge, parce que vous allez avoir dans tout ça un exercice de mémoire qui va se faire. Et ça travaille votre cerveau, veut pas. Si vous participez, par exemple, à des cours d'aquagym ou à des cours d'aquaforme, bien souvent, ça va tout le temps être les mêmes mouvements. Donc, vous allez travailler votre mémoire à se rappeler quel est ce mouvement-là. C'est la raison pourquoi, pendant longtemps, ça a été dépeint comme une activité de personnes âgées. Ben oui. Donc, ça aide aussi à augmenter votre fréquence cardiaque. Sachez-le, c'est très, très bon pour le cardio. Et vous allez pouvoir considérer un entraînement qui va être cardiovasculaire. C'est sûr que là, on parle de natation, c'est vaste. Vous pouvez décider de faire des longueurs. Vous pouvez décider de faire, comme je le disais tout à l'heure, de l'aquaforme, de l'aquagym. Et il y a plusieurs alternatives d'aqua quelque chose. Sachez-le, il existe l'aquabox, l'aquaspinning. Tout dépend de n'importe à quoi. Ben c'est ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire, en fait. Vous pouvez faire de 30 à 45 minutes, par exemple, dans les longueurs, dans une piscine. Et ça va être assez de temps pour que ce soit une activité aérobique. Vous pouvez aussi essayer un exercice de nage pour les débutants. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus concret et d'un petit peu plus calme. Par la suite, une activité ou un exercice qui ne requiert pas de la compétence sportive, c'est la musculation. Ah. Parce que la musculation, on en fait quand même à tous les jours sans nécessairement s'en rendre compte. Et attention, quand on parle de musculation, on veut aussi dire que la musculation, c'est aussi important que l'exercice cardiovasculaire. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un des meilleurs types d'exercices que vous pouvez pratiquer selon le rappeur d'Harvard qui a été publié. Le rappeur d'Harvard? Le rapport d'Harvard qui a été publié il y a 2 ans. Donc, la musculation, ça va aller au-delà du raffermissement des muscles et ça recherche, bien évidemment, à améliorer votre équilibre et à brûler davantage de calories. Donc, c'est un petit peu, vous faites, en fait, tout simplement mélanger cet exercice-là à un autre exercice que vous faites déjà, que ce soit la marche ou la natation ou les autres que je vais vous nommer dans quelques instants. Si je marche en traînant mon épicerie, je fais 2 affaires en même temps. Oui, c'est sûr que tu fais de la musculation, oui. Et de la marche. Oui, en effet. Ouais. Donc, ça va vous donner aussi les mêmes bénéfices que d'autres types d'exercices, comme par exemple avoir un esprit beaucoup plus vif ou un cœur en santé. Vous allez vous sentir beaucoup plus réveillé par la suite, sachez-le. Et commencez par apprendre les mouvements de base, comme par exemple flexion des biceps. Vous pouvez faire plusieurs répétitions. Et sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir des poids en débutant. Vous pouvez tout simplement commencer en faisant de la musculation, en bougeant vos bras, point. Vous pouvez commencer juste en ayant le stress de la vie sur vos épaules. Oui, bon, c'est sûr. Hein? Si vous n'avez pas de poids, comme je le disais, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des façons d'utiliser, par exemple, des items que vous avez à la maison qui peuvent s'avérer être un petit peu plus lourds que la normale et ça va aider, bien évidemment, votre entraînement, comme une citrouille. Ah, ben oui. Si jamais ça vous intéresse, on est pas mal dans le temps pour ça. Là. Qu'est-ce que ça a vos voisins, au pire? Des pommes. Oui. Des pommes. Il y a des pommes qui ont l'air de rien. Vous dites que c'est rien. Mais juste le fait de tenir quelque chose et de faire un exercice avec les bras qui vont être tendus, ça va vous amener une force et ça va vous amener un entraînement de musculation du fait même. Sinon, ça peut être des conserves, des 2 litres de... Oui, 2 litres de lait, exactement. Par la suite, un autre exercice qu'on a, c'est le tai chi. Je vais vous avouer que j'ai jamais nécessairement essayé le tai chi. Avec le petit rouleau de printemps? Non, Mathieu, il n'y a pas avec. Non. Donc, c'est un entraînement qui va se faire en douceur, sachez-le. Et le tai chi, c'est un art martial qui mélange des mouvements qui sont lents, qui vont être centrés sur l'agilité et des pratiques qui sont méditatives. Donc, selon ce que vous recherchez, c'est sûr que si vous êtes hyperactif, peut-être que le tai chi, c'est pas nécessairement pour vous, mais ça serait particulièrement bénéfique pour les adultes qui sont beaucoup plus âgés. Ceux qui ont parlé tout à l'heure d'arthrite, de la difficulté peut-être à se déplacer, bien le tai chi, ça peut être quelque chose qui va vous aider dans tout ça. Donc, le tai chi, c'est excellent parce que ça incorpore des éléments qui vont être d'équilibre. Vous allez travailler votre équilibre à ce moment-là. ensemble. Et ça va être particulièrement bénéfique aussi pour les personnes qui vont être beaucoup plus âgées. Donc, si vous êtes si vous avez été actif toute votre vie, par exemple, et là, vous arrivez à un âge où vous vous dites « J'aimerais ça continuer à faire quelque chose, mais malheureusement, j'ai plus nécessairement la force de le faire ou j'ai plus autant d'entrain de le faire », bien, le tai chi, ça peut s'avérer être un exercice qui va avoir beaucoup de bénéfices pour vous. Entre autres, ça va avoir des bénéfices aérobiques et ça va améliorer la flexibilité et votre force musculaire. Donc, c'est un tout. Et vous pouvez aussi aller voir sur Internet pour le tai chi parce que c'est une source de vidéos incroyables, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur iTunes. Vous pouvez vous inscrire à des cours à votre centre sportif ou communautaire. Et comme je le disais, ben YouTube, ça va avoir des vidéos qui vont très bien pouvoir vous aider. Le cinquième exercice que j'ai à vous présenter, c'est un exercice de haute intensité. Et comme on le dit encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous entraîner de façon intensive pour récolter les fruits de vos efforts, on le sait. Même un petit peu de résistance, ça peut aller loin. Mais la haute intensité, c'est un terme qui est relatif. Donc, quiconque va accomplir quelque chose sous une courte durée, mais à haute intensité, ça va s'avérer à être de l'entraînement à haute intensité. Donc, si vous avez, par exemple, quelque chose à essayer, vous pouvez essayer de marcher beaucoup plus rapidement qu'à l'habitude avec une inclinaison qui va être beaucoup plus simple et le faire très intensément, sur une courte durée. Monter une côte, c'est ça que ça? Oui. Mais pas une grosse côte. Mais non, pas une grosse côte, mais c'est ça. Vous pouvez le faire comme ça sur une courte durée, mais à haute intensité. Ça va faire en sorte que vous allez avoir non seulement des exercices de haute intensité, mais vous allez travailler pas mal tout votre corps aussi de cette façon-là. Le sixième exercice que j'ai pour vous, c'est la machine à ramer. Hein? Dans les gyms. OK. Dans les gyms ou chez vous, là, peu importe. Ça dépend si vous voulez en acheter une ou non. Mais c'est une machine de gym qui demande peu de compétences physiques comparativement aux autres qu'on peut retrouver dans un gym. Mais là, c'est rendu compliqué. À chaque année, il faut que tu rajoutes de la rame. Mais ça brûle quand même beaucoup de calories. Donc, les gens qui utilisent un équipement qui fait un mouvement quand même assez puissant, on s'entend, la machine à rame, c'est un gros mouvement que vous allez faire à répétition. Donc, il y a plusieurs adultes beaucoup plus âgés qui pourraient utiliser plus de force pour diminuer le niveau de difficulté de leur activité quotidienne. Donc, c'est un exercice qui va être à faible impact et le rameur pourrait être un ajout à n'importe quel autre programme aussi de marche, de course ou si vous avez un stress un stress cardiovasculaire. Vous sentez que vous êtes stressé et parfois vous vous dites « Ah mon Dieu, je sais que j'ai des petites tensions au cœur. » Bien, sachez que la machine à rame, ça peut aider à tout ça. Ça va vous aider, en fait, à être un petit peu plus calme parce que vous allez vous concentrer sur le mouvement que vous allez faire. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est de 20 minutes sur la machine à ramer et vous allez pouvoir passer un excellent moment à travailler et à vous concentrer aussi à ce que vous faites. Donc, comme je le disais, ça va diminuer un petit peu votre niveau de stress et vous allez voir les bénéfices de n'importe quelle option d'exercice sur cette machine-là. C'est important de choisir un exercice que vous allez aimer à continuer à faire. Sachez-le, c'est toujours ça qui est dans l'optique, en fait, c'est de continuer et de jamais nécessairement arrêter. Mmh. Et l'exercice, c'est essentiel pour la santé. Donc, c'est une chose que vous pouvez faire qui va aider plusieurs aspects de votre bien-être. Quand je parlais du stress, quand je parlais de la dépression, quand je parlais de l'âge, bien, l'activité physique, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Donc, vous n'avez pas nécessairement le choix de vous y mettre un petit peu. Si vous voulez au moins vivre une bonne vie. Ouais. Tu sais, je dis ça comme ça. C'est vrai. Sinon, dans les activités qui n'ont rien à voir avec l'activité physique, sachez-le, la semaine dernière, je vous parlais d'aller cueillir des citrouilles au lieu d'aller cueillir des pommes. Eh bien, sachez que j'ai trouvé quelque chose d'autre aussi où que vous pouvez aller visiter qui va s'avérer à être parfois une très belle activité. Les fleurs. Les fleurs. OK, on le sait, à cette heure-ci de l'année, ça commence pas mal à mourir. Ça commence à mourir, ça commence à geler un petit peu. Mais sachez qu'au Québec, on a ce qu'on appelle le pur safran. Ah. Donc, le pur safran, ça s'avère à être en Mauricie, sachez-le, et c'est une safranière commerciale au Canada. Donc, on parle de safran pur. C'est cultivé de façon artisanale. C'est un nouveau produit du terroir québécois. C'est à découvrir. Vous allez pouvoir avoir des bulbes de safran. Vous allez pouvoir avoir des produits safranés. Vous allez trouver du safran vous-même, exactement. Donc, ça a été fondé en 2012. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir avoir des ateliers. Vous allez pouvoir concevoir quelques trucs avec votre propre safran que vous avez trouvé à cet endroit-là. Et pourquoi je vous donne cette idée d'y aller à ce temps-ci de l'année? C'est parce qu'en fait, les récoltes sont pas mal là. Mm-hmm. Donc, vous pouvez tout simplement aller visiter Pur Safran, sachez-le, c'est comme ça que ça s'appelle. Allez sur le site internet www.pursafran.com. Vous allez avoir tous les détails de comment vous rendre ou comment procéder. Et c'est vraiment le fun parce qu'en fait, vous allez pouvoir y voir des trucs de soigneur parce que le safran, ça peut avoir des bénéfices de soigneur. Ça peut avoir aussi des qualités au goût, donc on peut mélanger ça à des recettes, ça, on peut mélanger ça aussi à des savons, donc tout ce qui est beauté, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est une fleur qui est mythique, qui est précieuse, qui est assez fragile, et c'est connu depuis la plus haute antiquité au Québec. Elle symbolise à la fois la beauté, la sagesse, le goût, la santé, le parfum, l'élégance. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est plus de 6000 ans d'histoire qu'il y a avec le safran à découvrir chez pursafran.com. Et on se dit parfois, ben, tu sais, moi, aller cueillir des citrouilles ou aller cueillir des pommes, je suis pas sûre que ça me tente, mais en chum de fille, peut-être que d'aller cueillir des fleurs, ça me tendrait. Non. On sait jamais. Cute. Vous allez pouvoir faire de la marche en même temps. Ben oui. Et voilà. Vous suivez vos toilettes. C'est ça. Ouais, tout ensemble. Mm-hmm. Merci Tania. Fait plaisir. Excellent. Assemblagerequis.com pour les liens vers tout ce que tu as dit. Alors, on prend une pause au retour. Dominique Mavungu va être là avec Voix d'Afrique. Lui, il a une voix. Contrairement à moi. Oui. On vient. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante et de Tania Baudin. Dans quelques instants, Dominique Mavungu va nous parler un petit peu de ce qui se passe du côté de l'Afrique. Oui. Mais avant ça, on s'en va en musique, Mathieu. On s'en va entendre Félix Diot avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici Je cours. Ça va avec ce que tu disais tantôt. Ouais, pareil. C'est incroyable. Idiot avec Je cours. Faudrait pas que j'aille voir sur, sur Internet, genre, mes symptômes. J'aurais l'impression que je vais mourir. Mathieu, est-ce que tu serais un tantinet hypochondriaque? Un petit peu. Un peu. Juste un peu. Ah, mais bon, c'est pas grave, on va survivre. Il nous reste juste une heure et demie. La moitié. Mais pour passer ce temps-là en compagnie merveilleuse, ben, Colin, on accueille nos chroniqueurs, dont notre premier qui est fantastique, c'est Dominique Mavungu. Voici Voix d'Afrique. Dominique Mavungu, Voix d'Afrique, bonjour à toi. Allez, bonjour Mathieu, bonjour Tania. Ça va? Bon et matin. Tu nous fais peur un matin, on est en train de parler de coccinelles qu'il y a dans les maisons, puis là lui il dit, il y a des fourmis qui mordent, ça peut arriver, moi j'avais des fourmis chez nous cet été, il dit, il y en a qui mordent. Hey, je suis hypochondriaque un petit peu. Légèrement. C'est ça, je parlais aussi qu'en Australie, on a des araignées qui mordent, fait que ça. En Afrique, de quoi est-ce qu'on a peur? Ouais, en Afrique, à vrai dire, les habitants là-bas mangent quasiment tout quand même. Hein. Ah bon, quand même. Mais après, bon, après certaines espèces moins que d'autres, tu vois, qui sont moins faciles aussi à... Genre, ils voient des fourmis genre mordeuses, puis ils disent « Moi, je vais te manger !» Puis ils mangent les Non, je pense pas, je pense pas. Bon. Mais... Bref, on a plein de sujets abordés comme toujours. C'est super varié comme chronique Voix d'Afrique. Par quoi est-ce qu'on commence? Ben, on va commencer déjà par une émission que j'ai découverte qui s'appelle L'Afrique a un incroyable talent, en fait. Ah oui, il n'y a pas de Gilbert Rozon dans celle-là. Non. C'est... c'est plutôt composé de Fally Poupa, de Angéline Kidjo et puis Claudia Tabo. Claudia, c'est une humoriste. Fally, c'est un musicien, un peu une star du continent. Et puis Angéline Kidjo aussi, une star du continent. En fait, dans le fond, c'est comme un concours de talent. Ce sont des trois membres du jury. Et après, il y a des personnes, tu vois, qui viennent soit qui chantent, soit qui font des spectacles, des magiciens ou bien... des acrobaties. Ou des acrobaties, tu vois, dans le but d'obtenir l'approbation du jury, en fait. Donc comment ça se passe, c'est moi je viens, j'ai comme 5 minutes et les jurys ont un buzzer en fait. Et chaque buzz ça veut dire que c'est un non en fait pour eux, c'est-à-dire ils veulent pas que tu continues la prestation, genre ça leur convient pas. Donc à deux buzz tu peux continuer, mais là ça devient un peu difficile. 3 buzz c'est fini en fait. Est-ce qu'ils ont comme dans la version qu'on connaît ici, on connaît la version américaine un petit peu du talent avant, est-ce qu'ils ont un buzzer doré pour finir par sauver quelqu'un? Ils ont amené ça aux États-Unis, ils ont pas ça encore. Ah non, pas de buzzer doré non. Là-bas c'est genre en fait là c'est comme des, pour le moment c'est comme la phase de sélection en fait. C'est genre tout le monde en fait t'as accepté, mais tu vas pas directement en demi-finale en fait. C'est comme un bassin et dans ce bassin là ils vont piocher certains candidats et tout qu'ils ont trouvé intéressant. Donc moi là j'ai commencé un peu à regarder ça et j'ai trouvé ça vraiment drôle, tu vois, surtout pour ceux qui se plantent. Ouais, ben c'est ça, c'est le fun parce que il y a des gens qui se plantent que ça fait dur, mais aussi la variété c'est le plus fun qu'un truc de talent de chant, parce que tu tannes des fois, moi je trouve, entendre du chant. C'est varié, c'est quand même ouais ça. C'est ça, là c'est varié, tu vois, mais il y a quand même aussi certains talents que j'ai pas vraiment compris, tu vois. Comme il y avait, tu sais, mettons qui faisait de la corde à sauter sur de la musique, tu vois. Ah ouais, c'était un groupe, il faisait que ça en fait, et il y avait pas vraiment de, tu vois, de trucs extraordinaires. Fait que c'était 3 buzz pour eux et tout, mais voilà, dans le fond c'était vraiment le concept de l'émission qui était que j'ai trouvé intéressant et tout. Et ça, ça fait longtemps que ça existe ou pas? Ben en fait là c'est la deuxième saison. C'est la deuxième saison cette année, donc il n'y a pas longtemps, mais ça se déroule en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens de partout en fait qui viennent pour participer à ce concours là et puis pour espérer gagner je sais pas 10 millions de francs CFA, ça fait je sais pas combien. Je sais pas. Le calcul difficile là. Ouais, je dirais peut-être 50 000. Ok, quand même, c'est respectable. On s'attend pas à ce que ce soit 1 million de dollars là, comme aux États-Unis, je sais pas. C'est tout ça à peu près? 1 million, ça? Ok. Je pense que oui. C'est ça, mais 50 000, ben, légèrement, je pense. 25 000. 25 000, ok. Ouais, donc, pour, je sais pas, pour commencer peut-être une carrière ou bien débuter dans un spectacle et tout. Donc, c'est cette émission que j'ai regardée ce week-end aussi. Et ensuite aussi, je vais parler un peu de diamants, en fait, de bijoux. De diamants? De bijoux. Ouais, c'est ça. On s'attendait pas à ça. En fait, en Sierra Leone, en fait, c'est un pays en fait, d'Afrique de l'Ouest où il y a vraiment, vraiment beaucoup de diamants là-bas. Et je pense qu'un gros pourcentage des diamants en Afrique, ça se trouve rien que dans ce pays-là, en fait, tu vois. Et puis c'est un pays qui est paradoxalement assez pauvre, tu vois, parce qu'il a été ravagé longtemps par la guerre, en fait. Justement à cause de ces diamants-là, en fait, tu vois. Et généralement, les chefs de guerre là-bas, ben, la guerre, elle a duré quand même au moins, je pense, une dizaine d'années, je pense, et de guerre civile. Mais tout financé par les propres diamants, tu vois, parce que, tu sais, les gens, ils... ces gens, tu marches dans le sol et tu t'as pas à creuser longtemps, tu tombes sur un diamant, quoi, tu vois. C'est comme des blocs Lego, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, pareil, c'est la même c'est chose. C'est ça, tu vois. Et, sur l'échelle de blocs Lego à 1000 antipersonnels, c'est plus du c'est ça, tu vois. Donc, ouais, malheureusement, ça a été financé par ça pendant de nombreuses années. Mais là, la guerre est terminée, ça fait quand même longtemps, là. Ouais. Donc là, en ce moment, en fait, le gouvernement, ils ont mis en vente aux enchères un diamant de 709 carats. Okay. Tu vois, c'est vraiment il est comme un cornet de glace, là. Ouais. Et ils vendent aux enchères, je pense que là, elle était à 8 millions US, tu vois. Mm-hmm. Et bon, principalement, la vente, elle devrait servir à financer des projets de développement, tu vois, comme étant des réhabiliter des écoles et puis peut-être assainir aussi des zones et tout. Et donc, moi, j'ai trouvé que ouais, c'était une bonne initiative, tu vois. Maintenant, reste à savoir si réellement, tu vois. Ils feront vraiment ce qu'ils ont dit avec l'argent récupéré, ouais. c'est ça, tu vois. Donc si ça est-ce qu'ils ont tendance à pas faire ce qu'ils disent? Bon. Eux aussi. C'est ça, parce que le niveau de crédibilité est peut-être pas très haut. Est-ce que quelqu'un va vraiment leur offrir 8 millions sachant l'historique du Sierra Leone? Non, c'est ça. Donc on doute vraiment que. Ben après, on espère qu'ils vont. Moi, j'espère en tout cas qu'ils vont réellement se servir de ça pour. Pour financer ces projets-là. Ouais. Mais ouais, toujours en plus, dans ce même pays-là, à Sierra Leone, il y a un ancien footballeur, en fait, joueur de soccer, qui est l'actuel président là-bas, en fait. Ah, pour vrai? Ouais, il s'était présenté il y a au moins 10 ans, tu vois, à la sortie de la guerre civile comme candidat, mais il n'avait pas été élu. Et là, il s'est représenté encore cette année, et cette fois-ci, c'est passé. Ah, donc, et là, il est président sans les mains. Donc, il signe tout avec les pieds. Il est tellement habitué. C'est ça, George Weah. Donc, je pense que voilà, c'est quand même original quand même de laisser un peu de chance aussi à tout le monde quand même aussi. Et puis, d'essayer d'apporter un peu de fraîcheur quand même, tu vois, de nouvelles idées. Donc, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est un pays quand même. Bon, je suis pas encore allé, mais je pense que voilà, ça a l'air d'être pas mal quand même. Mm-hmm. Côté infrastructure et tout. Et puis voilà, ensuite aussi, je vais parler de hashtag, en fait. De hashtag, les mots-clics, les fameux dièses, quelque chose. C'est ça. Et en fait, là, c'est un hashtag, en fait, qui s'appelle MeToo, en fait. Mm-hmm. Il a été mis en place par Tarama Burke. C'est une afro-américaine, en fait. Et elle a mis en place... Non, on savait pas ça. C'est pas un fait qu'on dit souvent, ça, il me semble, que ça a débuté chez quelqu'un de noir, le MeToo. Non, c'est vrai. Je savais pas. Tu vois, et en fait, c'est un hashtag qui a été mis en place, c'était pour dénoncer, tu sais, la violence patriarcale faite envers les femmes afro-américaines, tu vois, c'est-à-dire la maltraitance un peu qu'elles subissent, en fait, de la part peut-être des parents adoptifs ou même de leurs propres parents sous alcool, sous drogue qui les battent et tout, tu vois, ou des fois, parfois, abusent aussi d'elles et tout. Et bon, en fait, l'hashtag, il a été mis en place, ça fait quand même 10 ans, tu vois, mais là, ils l'ont renouvelé quand même parce qu'en ce moment, en France, il y a un hashtag semblable qui s'appelle « Balance ton porc ». Oui. Tu vois, et donc, en ce moment, donc ils ont parlé un peu de ça, de MeToo. Ah, c'est intéressant ça, parce que pour vrai, c'était vraiment récupéré après un long moment, tu dis 10 ans. Ouais, c'est ça. Wow, eh ben. C'est ça, et ben, donc j'ai trouvé ça quand même intéressant, tu vois, parce que tu sais, même chez nous aussi, en Afrique, ça, les violences, en fait, elles arrivent, elles sont vraiment très fréquentes, en fait, tu vois. Si bien qu'on s'habitue à ça, alors que c'est pas forcément la normale, en fait, de pouvoir de tuer, de battre son enfant, tu vois, ou surtout les petites filles, en fait, plus elles, en fait, parce que tu sais, genre, bon, dans certaines cultures, c'est un peu rétrograde, en fait, où c'est vraiment que les garçons qui ont le droit à l'éducation et tout, et bon, les filles, c'est vraiment plus à la maison ou pour les tâches ménagères et tout, tu vois. Donc, je pense que le hashtag, je l'ai trouvé intéressant, tu vois, et je pense qu'il devrait être peut-être repris aussi, tu vois, pour nous-mêmes aussi en Afrique, et de remodeler, pour voilà, dénoncer un peu voilà, ça, le fait que les filles soient moins scolarisées que, voilà, que les garçons, tu vois. Je pense qu'elles ont tout autant de potentiel de, tu vois, d'être aussi des grands cadres et des leaders, tu vois. De toute façon, il y a déjà plus de filles que de garçons, en fait. Donc, le fait de, encore pas les mettre à l'école, c'est encore des cadres en moins. Déjà, c'est un développement, tu sais, qui est ralenti quand même, tu vois, de fait de ne pas les faire plus contribuer que ça au développement, de, tu vois, de leur pays respectif, en fait. Et voilà, tu vois, donc ça, c'est bon, on peut contribuer, tu sais, via les réseaux sociaux et tout, tu vois, et aussi essayer de, tu sais, d'en parler autour de nous et tout, tu vois, mais aussi, c'est ce qui fait que ces mentalités perdurent aussi, c'est parce qu'il y a certains dirigeants aussi, tu sais, qui cautionnent ça aussi, tu vois. Ben oui. Et il n'y a pas beaucoup de, tu sais, de présidentes femmes aussi sur le continent, tu vois. Je pense que sur les dernières années, il n'y a qu'une seule qui me vient en tête, de Sierra Leone, justement, tu vois. Et je pense qu'à part ça, il n'y en a plus même, en fait. Il y a du chemin à faire, pas mal, ouais. Ouais, encore. Encore à ce niveau-là. Et puis pour scolariser ces filles-là qui peuvent être l'avenir d'un pays. Mais c'est dommage parce que si c'est pour ça qu'ils ont démarré le Me Too et que là, ça a été approprié pour les conduites sexuelles des vedettes du Québec et partout ailleurs, dans le monde, si vous commencez à reprendre le Me Too en parlant de violence chez les jeunes filles, ils vont dire que vous avez volé l'hashtag. Il va falloir quasiment en partir un autre. Ouais, c'est non, ça. C'est ça. Je pense que là, c'est pour en partir un autre, mais tu sais, suivant le même modèle et tout. C'est une bonne idée, quand même. C'est ça. Et ensuite, j'ai parlé un peu de musique, en fait. Ouais. Mais c'est de Davido. Une fois, j'avais parlé de ce chanteur, c'est un chanteur nigérien. Ouais, c'est ça, qui est très connu sur le continent, en fait. Et là, présentement, il a été entendu par la police deux fois, tu vois, pour le meurtre. Enfin, ben, pas pour le meurtre, pour un décès accidentel d'un de ses amis lors d'une soirée, en fait. Et il fait partie de, tu sais, des principaux suspects. Depuis lors, il a été quand même disculpé, là. Mais tu vois, ça a quand même fait grand bruit dans son pays, tu sais, au Nigeria, tu sais, d'autant plus que c'est pas un chanteur aussi comme les autres, parce que c'est quand même le fils d'un grand dirigeant là-bas, en fait. Et il est devenu aussi star de la musique aussi, tu vois. Donc, quoique tout ce qu'il fait, c'est quand même assez scruté, et puis ça influe quand même sur bon nombre de jeunes là-bas. Tu sais, ils essaient de faire comme lui, ils essaient de copier. C'est un peu comme leur modèle et tout. Et voilà, et donc là, il était entendu deux fois. Donc, tu sais, il y a eu son ami, il est mort vraiment d'une cause un peu, tu sais, c'est un peu suspect quand même, la mort du... Pareil qu'il est mort à la sortie d'une boîte de nuit, c'est assez, une soirée assez arrosée quand même. Ben, un ami et deux autres aussi qui l'accompagnaient, en fait, qui ont été retrouvés. Leur corps a été retrouvé un peu plus loin, en fait, dans un quartier assez résidentiel et tout. C'est dans une BM, deux corps abandonnés. Dans une BMW? Ouais. Oh, wow. Donc, voilà, ça fait beaucoup parler au Nigeria et tout. Et Davido lui a été disculpé, donc a trouvé non coupable. Ouais, on a trouvé qu'il avait. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il a été trouvé non coupable? Est-ce qu'il était à un autre endroit à ce moment-là? Non, ben là, les sources ne nous disent pas. Ils ont dit, c'est intriguant, tu sais, j'aime les émissions de criminalité. Hein. Ça m'intrigue, c'est tout. Ils nous disent juste qu'il a été inculpé, donc on va croire. Disculpé. Est-ce que c'est ça le mot? Ouais, trouvé non coupable, c'est ça. C'est ça. Disculpé. Ouais, je pense que c'est disculpé, ouais. Donc c'est ça, il a été libéré. Mais tu sais, pour en revenir aussi sur ce pays, tu sais, le Nigeria, bon, c'est un pays en développement et tout se passe bien, mais... Je peux t'interrompre encore une fois en demandant la différence, parce que là, on parle beaucoup du Niger en ce moment-là. Non, Nigeria. C'est pas la même place. Nigeria. Niger et Nigeria. Non, mais en fait, c'est deux pays voisins, mais c'est pas la même place. C'est pas la même chose. Bon, maintenant que c'est au clair, tu peux continuer. Non, mais les gens, ils savent pas, ça sonne pareil. Ah oui, c'est ça, mais en fait, ils sont voisins en plus. C'est comme Shawinigan Sud. Ça, c'est la... Ouais, c'est rendu la même affaire. C'est un mauvais exemple. Hein? Ouais. Non. Ça se passe. Donc, dès que je parlais du Nigeria, et je disais que c'est un pays aussi qui, tu sais, que se développe vraiment bien, mais c'est un pays aussi, il faut souligner le taux de criminalité aussi, il est très élevé là-bas, tu vois. Il y a beaucoup de, tu sais, beaucoup d'enlèvements, beaucoup de pillages et tout, en fait, parce que, tu sais, il y a beaucoup de pétrole. Donc, ce que font les villageois qui habitent aux alentours des installations, en fait, ils vont siphonner de l'essence gratuitement, en fait. C'est-à-dire ils essaient de percer les canaux pour pouvoir retirer un peu de pétrole qu'ils essaient qu'ils revendent à la frontière, aux différentes frontières, ou bien même dans le commerce local, en fait, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, il y a des accidents, en fait, et il y a de nombreux morts là-bas parce que ça explose, en fait. Il y a des fois des personnes qui vont fumer là-bas, proche du puits de pétrole. Ah, arrête donc. Oui, tu vois, ouais, oui, pour vrai. Est-ce que c'est moi ou c'est stupide rat? Ouais, si, c'est vrai, mais ouais, c'est ça. Wow. Donc, ouais, il y a des accidents comme ça très, très souvent, en fait, très, très souvent là-bas. Et puis, beaucoup d'enlèvements aussi. De touristes et tout. C'est vraiment monnaie courante là-bas. Quoi, belle place. Belle place. En fait, je ne suis pas encore allé moi, mais ça a l'air d'être quelque chose quand même. Ouais. C'est mad, comme on dit. Continue pas y aller. On ne veut pas te perdre. Non, mais après, ouais, je pense que c'est pas partout. Mais c'est une réalité qui est quand même présente aussi, tu vois. Ouais. Et pas qu'au Nigeria aussi, hein, dans plusieurs pays d'Afrique aussi, ça se passe comme ça, en fait. Et puis, mais ça n'empêche que ça reste quand même une belle place que, voilà, moi, j'ai pas encore visité, mais j'aimerais bien aller. Les paysages sont sûrement super beaux. Puis des fois, t'as des petits feux d'artifice, d'explosion. Si, c'est vrai. Ça ajoute. Et voilà, en parlant de visite, en fait, hier, je suis allé à Valcartier, à Bora Park. Ok, wow. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool, en fait. Je suis allé comme à 4 heures, je pense, il n'y avait pas beaucoup de monde. Okay. T'es allé à celui intérieur. À celui intérieur, en fait. Et ouais, j'ai trouvé vraiment cool. Tu sais, les manèges, les attractions là-bas, c'était... Bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes à l'heure à laquelle j'étais allé, tu vois, mais c'était vraiment une belle expérience quand même. Surtout, il y avait comme un toboggan qui s'ouvrait, en fait. C'était comme une trappe, tu es comme dessus, et après là, l'assistant il appuie comme et ça s'ouvre, et tu tombes genre. T'es comme suspendu dans le vide, des mini-secondes, après tu glisses. C'était vraiment des sensations très très fortes, en fait. Ah, je savais même pas que ça existait, ça, je l'aurais pas courant. Hein? Ouais. Un parc d'amusement à l'intérieur. C'est ça, Bora Park. Ah ouais. Ouais, je suis allé avec des amis et tout. Ouais, ils ont eux aussi ont apprécié ça, tu vois, il y a des piscines à vagues et tout. Ah, et ouais. Tout. C'est un bon parc d'attractions, en tout cas pour moi. Et puis c'était une belle chose à faire durant une relâche quand même, tu vois. Là, en ce moment, c'est les congés à l'université. Oui, c'est ça. Donc, c'est me surprend qu'il n'y ait pas eu tant de monde que ça dimanche après-midi. C'est quand même un dimanche de la semaine de relâche, ça devrait être plus rempli que ça. Je sais pas, peut-être que... Non, mais c'était lundi. Lundi? C'était hier. Ah, j'allais dire, c'était le gala d'occupation double. Oh boy! Ben, t'as raison, lundi, c'est moins ouais, fort. Lundi, c'est moins, mais j'avoue, j'ai quand même préféré quand il n'y avait pas beaucoup de monde. T'sais, j'ai eu le temps d'essayer vraiment tous les manèges et tout ce qu'ils avaient à proposer aussi, tout ça. Et voilà, j'ai vraiment kiffé ma journée quand même. Ah oui, pour vrai? Ouais, pour vrai. Bora Bora. Bora. On dirait un pays africain, à vous. C'est ça, ouais, c'est ça quand même. Je m'en vais au Bora Bora. Où je dirais ça? En vacances. Ouais, je pense que Bora Bora, c'est plus une île, mettons. Ça se peut. Ouais, c'est ça, je pense que c'est quand même une île, mais en gros, c'est ça. Et puis, des parcs d'attractions dans ce genre. En Côte d'Ivoire où j'étais, j'en ai pas vu, mais je pense que, tu sais, en Afrique du Sud, je pense qu'il doit en avoir, c'est sûr, parce que c'est un coin qui grouille aussi. Il y a plus de touristes déjà, et puis c'est déjà plus développé et tout. Et voilà, moi, j'ai vraiment aimé le concept un peu du parc et tout, avec les jeux et tout. Ça, je pense, en Afrique, ça va pas désemplir, tu vois. Il y a le soleil toute l'année, donc va falloir refuser du monde, je pense, en fait. Tout le monde voudra. Il y a des gens qui vont revenir, qui vont dormir là et tout. juste pour pouvoir profiter des attractions et tout. Donc voilà, c'est quelque chose de bien. Et puis, comme je disais aussi, il y a pas longtemps, mais en ce moment, une industrie qui marche bien, c'est ça, c'est le divertissement qui fonctionne beaucoup en Afrique et tout. Et puis ça, c'est un concept aussi qui n'est pas assez développé, je pense, parce qu'il n'y a pas réellement de chaîne de parcs d'attractions, en fait. J'en connais pas, africaine qui a des parcs comme... Les Six Flags. Si, dans beaucoup de pays, la même chaîne et tout, je pense pas... en connaître et tout. Et puis voilà, s'il y a des entrepreneurs qui cherchent un domaine d'activité différent de ceux qu'on connaît actuellement, ben le divertissement, des parcs aquatiques, tu vois, ça peut le faire. Ça peut le faire et avoir vraiment un bon succès sur le continent. Et bon, évidemment, ça nécessiterait du financement, je pense, oui, qui n'est pas évident forcément à trouver, dépendamment du projet qu'on veut mettre en place et tout. Mais pour le concept, il est quand même bon à prendre. Et puis s'il y a des personnes, tu sais, qui veulent le voir, c'est ça quoi, c'est Bora Park, qui veut juste avoir une idée comment c'est fait et tout, et puis essayer de peut-être le reproduire, oui. Sous, voilà, bon, pas à l'identique, mais en fonction aussi de, voilà, des besoins et puis des réalités aussi du pays où ils souhaitent l'adapter, en fait. Ça viendra un jour, sûrement. Ouais, c'est ça. Mais bon, on avait quand même, en fait, parce que moi, tu sais, je me rappelle quand j'étais, en parlant d'attraction, mais ça, c'était dans un autre pays, au Bénin, en fait. Ah, OK. Tu sais, à Noël, en fait, il y avait comme, tu sais, une foire mobile, en fait. Oui, c'est, oui, genre, un peu comme l'expo ici. Ouais, là, ça passe, en fait, de place en place avec des manèges. Ouais, c'est ça. Place. Donc, franchement, ça désemplissait jamais. Ouais, tu ouais. vois, tout le monde adorait faire les manèges là-bas. L'effet de rareté fait que tout le monde veut y aller et il reste là tout le temps. Ouais. C'est ça, en fait. Donc, donc rien. Alors que c'était vraiment pas très, très grand. Hein. C'était genre, je dirais taille moyenne quand même. C'est ça, quand t'es tout petit, que t'es vraiment jeune, ça a l'air super grand. Mais quand tu passes devant en tant qu'adulte, tu fais comme moi, c'était pas si impressionnant que ça comme place. C'est un stationnement. L'expo. Non, c'était quand même plus grand qu'un stationnement. Ah oui, vraiment. C'est quand même plus. Bon, un peu plus grand quand même, tu ouais. vois, qu'un stationnement, mais voilà. Pour le divertissement, c'était pas mal, en ouais. tout cas. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce qui clôt Voix d'Afrique. Excellent. Aujourd'hui. Comme toujours, varié dans ces sujets, on apprécie énormément. Dominique Mavungu, merci beaucoup, on te retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est toujours les mardis à 8h30. À 8h30, merci beaucoup. Voilà, Afrique, merci. Maintenant, on est rendu à une pause, donc on se prend ça. Certainement. Et puis on revient plus tard, tout à l'heure, on va avoir Jimmy Thibodeau qui va être avec nous. Et puis à la fin de l'émission, Marc-Olivier Dumas va nous parler de sport. Ah, ok, oui. Il faudrait rester là pour ça. Faut rester là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage pour toi aujourd'hui. Troisième heure de Sondage Rocky en ce mardi 24 octobre 2017, Nathalie Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, j'ai vu passer sur Facebook là, l'image d'un sommet d'ananas. Comme okay. De quoi que t'as ça dans la gorge, c'est ça que j'ai dans la gorge aussi. Ah ouais. Un haut d'ananas. Exactement. Ça fait du bien. On est vraiment dans le temps de l'année. Ouais. Où tout le monde souffre de ça. Vous comprenez. Tout à l'heure, dans une demi-heure environ, Marc-Olivier Dumas va être avec nous pour Sport et Filocher. Avant ça, dans quelques instants, après la prochaine chanson, Jimmy Thibodeau, avec sa première vraie chronique, je dirais. Mm-hmm. La semaine passée, nous a fait un petit avant-goût de Gauchère Bévue. C'est le titre de sa nouvelle chronique qui commence dans quelques instants. Mais avant ça, on s'en va entendre la nouvelle entrée de Bastien The Bass. Voici Up Top. Ouh. Oh oui. Comme le top de Nanana. Pareil. Turn it up. Yeah.

had to go out. Now everything is cinematic. I'm the big Lebowski. I'm in the California desert. It's the 1990s. In the dairy section, I see my reflection. Everybody knows you're high. She had to go too. And on the deck while I waited for her to get dressed, sparked up another one. And I was such a mess that I confess that my professor wouldn't look me in the eye. Listen, everybody knows you're high. Everybody knows par partner à Assemblage Rookie. Au retour de la pause, Marc-Olivier Dumas s'en vient pour parler de sport. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, Marc-Olivier? Tu me prends par surprise parce que je viens juste de m'asseoir. Fais la même chose à chaque semaine. Ouais, c'est ça. Je le sais, mais tu sais, je m'attendais pas à ce que tu me poses la question au moment où je m'assoyais. Ah bon. Donc oui, on va parler des Patriotes au niveau hockey, soccer, bien entendu. Bon, il y a encore du développement par rapport au carabin, mais je vous le jure, c'est la dernière fois. T'as dit la même chose la semaine passée. Mais non, mais là, on va finalement savoir ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. On parle de diarrhée, gastro. Oui, et bon, un tout nouvel élément de ma chronique que je vais vous amener. Génial. Dans deux minutes, Assemblage Rookie, restez là. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage Rookie, accompagné de Tania Baudin et de Mathieu Plante. Ok, oui. Sport est filoché dans quelques instants avec Marc-Olivier Dumas. Mais avant ça, on écoute une pièce que t'aimes donc bien, Tania. Mais oui, puis on l'a fait tellement pas jouer souvent le matin. C'est Maude Audet avec Galloway Road. Assemblage Rookie. Ça, c'est fou. 89 FM. Ben oui. Pressé de s'affairer. Claude Audet, Galloway Road. On aime ça. Ok, oui. Maintenant, on continue avec du sport. Maintenant, c'est sport effiloché. Marc-Olivier Dumas qui est là pour Sport effiloché chaque semaine pour parler de sport universitaire, de sport local, de sport provincial. Je dirais, ça arrête pas mal là. National, des fois, peu. Oui, mais ouais. Je me tiens loin. En fait, je me tiens loin de ce qui est professionnel. De ce qui est connu là, par la majorité du petit peuple. Tu sais, je veux dire, je parlerai pas du Canadien de Montréal et de leur très mauvais début de saison parce que je m'en fiche de toute façon. Une chance que t'as pas parlé, hein. Ben, une chance que t'as pas laissé une petite pine, là. Il fallait. Mais pour vrai, pour ceux qui me connaissent, j'en ai strictement rien à cirer. C'est ça. De ce début de saison-là, j'y suis pas vraiment parce que je trouve qu'on met trop d'accent sur le hockey professionnel. Bien dit. Alors qu'il y a plein d'autres sports qui valent la peine d'être regardés, qui valent la peine d'être suivis. Et t'es là pour ça? Oui. Ça tombe bien que tu sois avec nous. Oui, donc ce matin, on va débuter... une fois pour toutes, avec le football universitaire. Oui. Parce que cette saga-là dure depuis... belle lurette. Ça fait un mois, je pense qu'on a commencé à en parler quasiment. Ouais. Ça fait carabin longtemps, comme on dit. Bon, le match... ben, ça fait trois semaines, là. Le match a été annulé le 5 octobre. Donc, le match annulé. Et la décision, finalement, finale... Attends, wow. Un peu de contexte. OK, on va... pour ceux qui ne suivent pas ta chronique à chaque semaine, les carabins, le 5 octobre, c'est ont, ça? En fait, annulé le match... parce que l'équipe avait une épidémie de gastro-entérite. Voilà. Mm-hmm. Et donc, l'équipe a été mise en quarantaine et le match a été annulé. Mais ensuite... en fait, la première chose qui s'est passée, c'était un forfait de Montréal. Ouais. Par la suite, bon, on a plaidé que c'était un cas de force majeure, ce qui est quand même vrai. Ouais. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard, etc., etc.? Ben, à la base, Montréal a tenté de remettre le match. Le match devait avoir lieu le jeudi. On a tenté de remettre le match au lundi, le plus tard qu'on pouvait. Ce à quoi Concordia a refusé, c'était lundi de l'action de grâce pour mettre en contexte. Oui, il y avait le droit de refuser dans ce cas-là. Ben, à mon avis, oui. Donc là, on a décidé tout simplement d'annuler le match et d'enlever un match à Concordia et Montréal. Dans le sens qu'au début, ça avait donné un match à Concordia, mais là, dans ce cas-ci, ça aurait juste pas donné de points à personne. En fait, au lieu de jouer 8 matchs, Montréal et Concordia en jouaient 7. Bon. Et au lieu de compter les points à la fin de la saison, c'était au prorata. Ok, parfait. Le problème, c'est que ça avantage ni Montréal, ni certaines équipes en arrière de Concordia, du genre Sherbrooke et même McGill. Il y a plusieurs équipes qui sont désavantagées par cette décision-là, parce qu'au prorata, Montréal, bon, justement, ils ont perdu 22-0 cette fin de semaine face à l'Université Laval. Et là, justement, en raison de cette défaite-là, Montréal est sûr de terminer deuxième parce que le match est annulé. Ouais. Donc, pour ces raisons-là, si Montréal remporte le match contre Concordia, les deux équipes sont à égalité. Là, on va aller au bris d'égalité, qui est la différence de points. Ben, présentement, c'est Laval qui la domine outrageusement. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais pour un fait, tu sais, pour aller au bris d'égalité, il aurait fallu qu'on joue le match. Ouais. Donc, Montréal, ce qu'on réclamait, c'est la victoire. Mm-hmm. La décision est tombée mardi dernier. Là, ça, c'est le contexte qu'on a répété trois fois de suite. Oui. Mais là, on est dans le présent. C'est ça. Donc, mardi dernier, il y avait un conseil du RSEQ pour décider qu'est-ce qu'on faisait. Le Réseau des sports étudiants du Québec. Exactement. Et la décision était maintenue que c'était seulement un match annulé. J'ai pas vu d'autres nouvelles par rapport à si la décision était allait être appelée. Parce que là, à un moment donné, le nombre d'appels, on peut-tu arrêter d'avoir un appel? Ben là, tiens. Ben, c'est ça. Mais ça arrête quand, sinon, là, ça arrêtera jamais. Ouais, non, il y a quand même une limite. Je pense que tu as un appel, là. Ça, c'était pas... c'était genre... officiellement, t'as pas des appels, c'est ça? C'est ça. Là, okay. Ça sera un appel suite à la décision du comité. Donc, la décision, c'est que le match est annulé. Montréal et Concordia perdent un match. OK. Je peux vivre avec cette décision-là, mais à mon avis, je l'ai dit la semaine passée, ça aurait dû être un forfait de Montréal. Montréal, veut pas, oui, c'est. Ben, c'est même flat. Genre, un joueur de sport se casse la jambe, mettons, je sais pas trop quoi. Ben, tu sais, c'est de même. C'est plate, mais tu vas être remplacé par quelqu'un d'autre. Ben, ça, c'est pas une très bonne. Quand je jouais plus jeune, puis on était malade, ben, on déclarait forfait. Bon, c'est ça. Si l'équipe était toute malade, puis on pouvait pas jouer, on déclarait forfait. Ouais. C'était aussi simple que ça. Si on pouvait pas se présenter pour X, Y raison, on déclarait forfait. Mais, ouais. Et dans ce cas-ci, bon, je comprends que c'est une force majeure. Ça, je le comprends très bien. Mais malgré tout, ça explique pas que, à mon avis, que ce soit pas un forfait. Là. Je veux dire, c'est la vie, c'est la santé. Donc, comme j'ai dit... Est-ce que l'autre équipe l'a su le jour même du match que ça allait pas se passer? Je pense qu'ils l'ont su le mercredi. Mardi ou mercredi, l'équipe a été mise en quarantaine. Donc, Montréal a appelé Concordia, a demandé si c'était possible de jouer le lundi. OK, ouais, c'est ça. C'est quand même... À petit avis, là. Court préavis, c'était pour le jeudi, le match, c'est ça? Oui, il aurait pu déclarer forfait, honnêtement. Ben, à mon avis, ça aurait dû être un forfait, là. Mais bon, en tant que tel, c'est mieux pour Montréal que le match soit annulé. Je veux dire, il était quand même avantagé au niveau s'il battait Québec, qu'il n'y avait pas de bris d'égalité ou un match nul. Donc, à mon avis, c'est mieux pour eux, mais bon. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est eux qui ont eu la gastro, et puis maintenant, ça les avantage de l'avoir eu. Ben, ça les avantage pas vraiment parce que le match est annulé et là, ils ont perdu contre Québec. Ouais, okay. Mais avoir battu Québec, ça les aurait avantagé. Okay. Parce que là, qu'ils se prennent pas des laxatifs la prochaine fois. Non, c'est ça, exactement. Ça, dans les autres matchs, bon, je l'ai dit, Montréal s'est incliné 22-0 à Laval et Montréal devra retourner à Laval pour remporter la Coupe Dunsmore à la fin de la saison. Et Sherbrooke a vaincu McGill 35-27, ce qui veut dire que Sherbrooke prend la quatrième place qui donne accès aux éliminatoires avec une fiche de 2 victoires et 6 défaites. McGill, il leur reste un seul match, c'est contre Montréal, oui. t'as le Montréal facile. Montréal. Donc contre Montréal, ça sera pas facile pour McGill d'après moi. Les carottes sont cuites pour les Redmen. Et Laval sera à Concordia cette fin de semaine. Donc les matchs 27 et 28, donc vendredi et samedi, pour ceux qui veulent suivre ça. Un match à représenter à la télévision, c'est McGill contre Montréal au Sipsum. Montréal qui, à moins d'une catastrophe de l'Université Laval, devrait finir au deuxième rang et affronter les Stingers de Concordia au premier tour éliminatoire, alors que Laval affrontera Sherbrooke. Mm-hmm. Les éliminatoires qui débutent le 4 novembre. En fait, c'est deux matchs de demi-finale. Ensuite, c'est la finale le 11 novembre. La Coupe UTEC et la Coupe Mitchell auront lieu la semaine suivante et ça termine avec la Coupe Vanier dans un mois environ, donc le 25 novembre pour être exact. C'est la Coupe Vanier, en même temps que la Coupe Grey pour ceux qui suivent le football canadien. Mm-hmm. Ouais. C'est pas dans Mario Kart qu'il y a une Vanilla Cup ou... La Coupe Vanille? Non. C'est dans quoi? Il y a des pistes, Vanilla Lake. Ah, c'est ça, Vanilla Road. Lake. Excuse-moi. Lake. Je parle à l'expert de Mario Kart, je m'excuse. Non. J'aurais pas dû embarquer dans ce terrain-là. Non, c'est ça. En passant, si tu veux voir des belles courses de Mario Kart, ouais. Je peux te conseiller un channel, c'est Zero Lag Gaming. Va voir le VOD. Salut, en fin de semaine, on a participé à un événement. Ouais. Probablement que Sam va t'en parler à sa chronique à Mathieu Planchot. Éventuellement. Ouais. Et le marathon, en fait, a terminé. C'est moi qui affrontais un autre gars, Mario Kart Double Dash. Et c'est des courses d'anthologie. Là. Tu regarderais ça, pour vrai, c'est serré de A à Z, on se suit. C'est assez impressionnant. Même moi, j'ai regardé des courses après la course. Parce que, tu sais, dans la course, t'es dedans, t'es concentré. Ouais. Tu regardes ça, tu fais... Wow, mais c'était donc ben serré. Il se prend pas pour de la crème glacée au chocolat, lui. Hein? Non, c'est ça. Non, je préférerais à la vanille. Ah, ben. Mais je te conseille vraiment d'aller voir ça. Ça vaut la peine. Okay. Envoie-moi ça le lien. Je vais te l'envoyer. Je mettrai ça sur la page Facebook. Pas de trouble. Je te le dis, ça vaut la peine. Encore au football, maintenant au football collégial. Je l'avais dit, Trois-Rivières avait un gros match cette fin de semaine. Ils affrontaient le cégep Lionel Groulx. Eh bien, c'est une méchante raclée que les Diablos ont mangé. Ah. 49-14. Hi. C'est 7 touchés contre 2. C'est beaucoup. Donc, défaite des Diablos par la marque 49-14 à domicile. Il leur reste un match contre le cégep de Thetford. Normalement, ça devrait être une victoire. Je dis bien normalement. Thetford qui a remporté son premier match de la saison contre Beauce-Appalaches 41-0. Mais encore là, Beauce-Appalaches, c'est l'équipe, la pire équipe de la Ligue. Donc, Trois-Rivières, fiche de 4 victoires, 3 défaites. Pointe maintenant au 5e rang. 5e rang sont assurés de finir 5e, même avec une victoire, montrée avec une fiche de 5 victoires, 3 défaites. la pire fiche que Lionel Groulx et Édouard Monpetit pourraient avoir, mais les deux équipes ont vaincu les Diablos. Mm-hmm. Donc, 7 touchés contre 2, là, ça c'est le concours Salvaire-Roson qui avait eu en fin de semaine, je pense. Ah, aïe, aïe, aïe. Exactement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. T'as-tu vraiment fait ça? Non. Vraiment? C'était en rond. Il semblerait qu'il soit trop tôt, Mathieu, pour faire des jokes de chat. Il est 9h45. Marc Labrèche. Il faut que tu attendes. Marc Labrèche. Hey, c'était parfaitement innocent, inoffensif comme gag. Marc Labrèche, bref. Il fallait que tu attendes 9h49. Il est trop tôt, ah, là, Marc. Ah, c'est ça. T'es 4 minutes trop tôt. Voyons, Mathieu. Je t'ai connu meilleur que ça. Ah, ça aurait passé tellement bien si on n'avait pas focusé là-dessus pendant 10 minutes. Fais attention à ton langage, c'est un anglicisme. Oh. Ouf. Donc, maintenant, on va parler de l'autre genre de football, le soccer. Oui, le vrai football. Je vais dire ça à chaque fois. Ouais, ben moi, je trouve pas que c'est le vrai football, mais en tout cas... Il était là avant. Soccer, ça va comme nom. Donc, autant du côté masculin que féminin, les équipes jouaient deux matchs. D'abord à l'Université de Sherbrooke. Et les Patriotes masculins, une grosse victoire de 3-1 face à l'Université Sherbrooke. Et ensuite, une très grosse défaite au Stade Gilles-Doucet dimanche. Une défaite de 6-1 face à l'Université Montréal. Ça, c'est un peu moins fun. Mais le résultat est... Ben, Montréal est encore invaincu. On va se dire, là, ils ont 11 matchs de jouer, 10 victoires, aucune défaite, un match nul. Donc, c'est vraiment l'équipe à battre. Ils sont tellement forts, là. Ben, ça parut, là. Contre les Patriotes... Dimanche, c'était un match qui faisait mal. Un petit peu. Très, très mal. Donc, les Patriotes sont maintenant quatrième avec 14 points. Il reste deux matchs à la saison. C'est le quatrième rang qui donne accès aux éliminatoires. Donc, si on descend d'un rang, on perd notre place en éliminatoire. Et présentement, si la saison se termine comme telle, on affronterait encore les Carabins de l'Université de Montréal. S'ils sont là. Normalement... En soccer, c'est correct. Ouais. Donc, UQTR va affronter l'UQAM cette fin de semaine. L'UQAM qui est troisième. Peut-être qu'on voudrait aller chercher leur place. Donc, ça serait peut-être une bonne idée de gagner ce match-là. Je le sais pas. Hein. Et on affronte Concordia. Une Concordia qui a une saison plutôt ordinaire. C'est la même cédule autant du côté masculin que féminin, là, juste spécifié. Donc, UQAM et Concordia, c'est une fin de semaine avec une victoire contre l'UQAM et contre Concordia. L'UQTR pourrait terminer au troisième rang et éviter les Carabins au premier tour. Mm-hmm. Ce serait peut-être une bonne chose. Ouais. Surtout après la dégelée qu'ils viennent de subir. Moi, je pense que j'aimerais ça éviter les Carabins. Du côté féminin, c'est deux matchs aussi. On affrontait les deux mêmes équipes, Sherbrooke et Montréal. Donc, à Sherbrooke, c'est une défaite de 2-1. Juste rappeler que du côté féminin, Sherbrooke est une puissance. Ah. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Donc, on s'est très, très bien défendu face à l'Université Sherbrooke. Et face à l'Université Montréal, on s'est fait blanchir 2-0. Mais le résultat est que l'UQTR est présentement au cinquième rang, à un point seulement de McGill. Donc, on va se battre pour une place en éliminatoire. Il y a l'UQAM aussi qui est à 12 points, autant de points que les Patriotes au sixième rang. Et le prochain match, justement, c'est contre qui? Je suivais pas ce bout-là de la phrase. Hein? Je te l'ai dit du côté masculin et c'est la même cédule du côté féminin. Ouais, ouais. C'est ça, là. L'UQAM. L'UQAM, ouais. Exact. Ouais, bonne réponse. L'UQAM Magnota. Si on regarde ça, par exemple, parce que j'étais là dimanche pour le match contre les Carabins. En tant qu'annonceur. Et les filles ont peut-être perdu, mais c'était tout un match. Ça a été vraiment serré. La différence, je dirais, c'est la carrure des filles de Montréal. Ah, ouais? Sont puissantes en termes de grandeur et en termes de sprint. C'est fou. Mais quel match du côté de notre gardienne de but, par exemple, des Patriotes. Excellente. Patriote malade. De la semaine, d'ailleurs. Oui. Ah, bon. Ariane. Elle a gardé ses équipes dans le match. Ben, son équipe dans le match. Moi, à ce moment-là, pendant le match, je dormais dans un parking de centre d'achat après l'extra live. J'avais pas dormi. Oh, wow. Oh boy! Ça, faut pas le dire en ondes. Non, c'est ça. Non, mais j'avais pas, tu sais, j'ai fait le marathon extra live. Oui, on c'est 24 heures de jeu de suite, c'est ça? C'est ça, ouais. J'avais pas dormi de la nuit. Puis là, on part de Saint-Hyacinthe pour se rendre à Trois-Rivières. Ouais. Un moment donné, je suis tombé. Là, avant que je pogne un accident sur l'autoroute, je me suis arrêté. Bonne idée. Petit 2 heures dans... T'sais. Ça fait du bien. C'est ça. Si on continue... Ariane, oui? Ariane a envie aux autres. En effet, non. Je remplissais le temps. Elle est vraiment très, très forte en passant. Là, cette année, on a eu un merveilleux choix que d'aller la repêcher pour l'équipe féminine. C'est une première année, c'est ça? Oui, exact. Donc, elle va être là encore l'année prochaine. Puis l'autre suivante, probablement. On va croiser les doigts pour qu'elle reste. J'espère. Ouais. On a juste à l'amener plus souvent à Chasse-Galerie. On va vouloir rester. No boy. On va rester à l'UQTR. Pas les mercredis soir, par exemple. Pas les manos. Hey, avez-vous vu la vague de haine contre les mercredis soirs. Contre les mercredis soirs sur ce pâté d'équité. Oui, je l'ai vu. Ça arrête pas les mimes. Ça sent plus à rien, c'est juste des mimes. Non, non, il y a une autre page spot qui fonctionne encore, qui est encore en spot. Donc, oui, je l'ai vu et je me disais, oh, combien qu'elle a raison. Oui, c'est ça, elle a pas tort, la fille. Elle a... Ou le gars, un peu. Je pense que c'est un gars qui... Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a beaucoup trop de monde le mercredi soir maintenant et que c'est désagréable parce que ce sont plus des universitaires. Ah. C'est du monde qui cherche le trouble. Oh! Mm-hmm. Et elle proposait, la personne proposait de peut-être augmenter le cover le mercredi soir pour rebuter certains les extérieurs. Étudiants. Mais non, parce que les étudiants de l'université rentrent gratuitement. Ah, c'est cover pas la carte. Pour... Ouais. Ah. Donc peut-être monter à 10$ ou forcer les outsiders, pardonnez-moi les gens de l'extérieur, de venir accompagner d'au moins deux personnes de étudiants. Ah, c'est pas fou. Parce que moi aussi j'ai senti, c'est ce qui fait que je sors moins, j'ai moins de plaisir parce que... Ouais. C'est vraiment très désagréable sortir les mercredis soirs. Ça fait quelques années qu'on diffuse plus l'émission les mercredis soirs, il y a peut-être un lien à faire entre les deux. Donc c'est ça. Pour continuer rapidement, les Patriots hockey affrontaient Lakehead dans un programme double à Lakehead. Lakehead, juste pour vous donner une idée, c'est proche de Thunder Bay. Oh, ouais. Donc, Ontario, c'est ça? Oui. C'est ça? Ouais. Donc, les Patriots ont fait un long voyage en avion pour aller vaincre Lakehead deux fois de suite. Ah, ça vaut la peine. Deux fois plutôt qu'une. Une victoire de 3-1 lors du premier match vendredi soir et une victoire de 4-1 lors du deuxième match le samedi après-midi. Une victoire de 4-1. Donc, deux victoires et les Patriots seront encore sur la route lors de la prochaine semaine. C'est à Laurentian pour un programme double encore. Yep. Parce que les Patriots ont comme une cédule de baseball cette année. Des programmes doubles, triples, tout le temps. Ah des oui? séries de deux matchs. Donc, c'est... Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont manqué plus tôt dans l'année d'autres matchs, non? Je pense que c'est pour réduire les coûts de déplacement. Ah, ben ça a du sens. Qu'on fait ça, tant qu'à les envoyer loin à Laurentian, tout ça, ou pareil pour les équipes. Ils jouent dans une banque? Non. Mais tant qu'à les envoyer loin, c'est plus facile de juste les faire jouer deux matchs. Tant qu'à faire, ça réduit les coûts. Est-ce que, à ton expérience, les programmes doubles, c'est tout le temps deux résultats pareils ou c'est rare que ça se sépare? Souvent, ça se sépare. Okay. Beaucoup, en temps normal, ça va se séparer. Ça dépend vraiment de la force des équipes, mais tu vas voir, les équipes vont s'ajuster par rapport à ça. C'est sûr, s'il y a une équipe qui est vraiment plus forte, ça va être un balayage. Mm-hmm. Mais en temps normal, on va voir souvent un match d'un côté, un match de l'autre côté. Ouais. Il y a beaucoup de séparation. Mais les Patriots, quand même, qui ont un bon début de saison, c'est 4 victoires et une défaite. Et même la défaite, on en avait parlé, c'est contre McGill. Et les Patriots n'avaient pas mal joué. Juste manqué un peu d'opportunisme et c'était incliné. Ça arrive. Hein. C'est des choses qui arrivent, en effet. Il n'y a pas d'autres sports qui est en action cette dernière fin de semaine, mais des sports qui s'en viennent. D'abord, en natation, samedi 28 octobre à 13h30, c'est la deuxième coupe universitaire au niveau de la natation. Mm-hmm. Donc, ça a lieu à McGill. C'est la deuxième compétition pour autant nos hommes que nos femmes. Du côté du cross-country, cette fin de semaine au Parc Maisonneuve de Montréal, c'est le championnat provincial. Au programme, 8 km chez les demoiselles et 10 km chez les messieurs. Du côté du badminton universitaire, la prochaine compétition, c'est cette fin de semaine, samedi 28 octobre dès 10h et samedi 29 octobre dès 9h. Ça a lieu ici même au CAVS de l'UQTR. C'est la compétition par équipe féminin et masculin. On n'a pas d'équipe féminine, mais on a quand même une équipe masculine qui a passé proche de remporter un match il y a 3 semaines, c'est ça? Et on se souvient que la seule victoire de l'histoire de l'équipe est venue l'année dernière au CAPS. Donc, peut-être que les Patriots vont nous surprendre et remporter un match par équipe. Peut-être. Donc, c'est la prochaine compétition. Et du côté du volleyball féminin Division 2, où nos Patriots participent, la première compétition de la saison a lieu cette fin de semaine. Ça a lieu à LUCAC, à Chicoutimi. Et nos Patriots ne participeront pas à cette compétition. Oh. Il y a 5 équipes, donc en rotation, il y en a une qui passe son tour. Et les Patriotes, ben, ils passent leur tour en partant. Les malchanceuses. Malchanceuses ou chanceuses? Je sais pas. Au moins, tu perds pas un point. Ben, tu perds pas. En fait, ça peut être un avantage comme un désavantage. Ça te donne quelques semaines de plus pour peaufiner ta préparation. Ouais. Mais en même temps, les autres équipes vont déjà avoir eu de l'expérience de match. Donc, de l'avance, un peu. C'est comme un couteau à double tranchant. Je pense que c'est mieux avoir un bail cette semaine-là. Un bail étant de passer un match. Passer un tour, oui. Passer un tour. Que de l'avoir en toute fin de saison, juste avant les éliminatoires. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, considérant qu'on va jouer les éliminatoires quelques semaines plus tard. T'sais, on veut rester chaud, on veut rester dans le match. Je pense que l'idéal, c'est de l'avoir en milieu de saison, tu sais, séparer les tournois, mettons au... Une petite pause de mi-session. Ouais, le tournoi de fin novembre, peut-être que les filles aiment ça, pas avoir à le faire pour pouvoir étudier un petit peu. Ouais, je comprends. Donc, c'est ça, ça fait le tour pour... Parlant de... tu viens de parler de passer son tour. C'est quelque chose qui arrive souvent à Mario Party. Est-ce que c'est ça qui t'a blessé à la main? Parce que... Ouais, un petit peu nous donc. C'est-tu le joystick de la de non, pas du Pokémon tout. Stadium? C'est quoi? Non, pas du tout. Bon, avec ma nouvelle copine... non, pas besoin de détails. Non, mais on a des chats. Ah, okay. Et on a décidé hier qu'on faisait l'expérience à savoir si nos chats seraient capables d'être compatibles. Et visiblement, le mien est un petit peu agressif. Il s'est fait mordre dans la petite peau entre le pouce puis la... Ah, puis des griffes. Des griffes. Ouais, ben, j'essayais de le séparer d'un autre chat avec qui il voulait comme chercher la marde. Et mon pouce en a payé un petit peu, là, comme tu peux le voir un peu partout. Ah, boy. C'est ça qui est ça. Il fallait qu'on te le montre, nos téléspectateurs sont en soif d'informations. Ils l'auraient pas vu si tu n'en avais pas parlé. Ah, tu sais pas, on a un grand public visuel en Chine? En Chine, ouais. Et où la caméra? Caméra 3, Tania. Pointe la caméra 3. Caméra 3. C'est ça. Ok, la 2. Il n'y a pas de 2, il y a juste la 3. Il y a juste la caméra 3. On a juste du budget pour une caméra, mais on s'est dit, on va avoir la publique si on dit que c'est la caméra 3. C'est ça, exactement. Bref, merci. J'ai pas fini. Ah, ben t'as dit, ça fait le tour des sports. Des sports universitaires. Moi, j'ai pris la balle au bon et j'ai commencé à parler d'autres choses. Hein? Mais non, mais c'est correct, mais il me reste deux petites affaires. Je voulais parler rapidement des cataractes de Shawinigan qui, tranquillement, commencent à se reblesser sur la bonne voie. Mm-hmm. On a 3 victoires à nos 4 derniers matchs. Victoire bon, de 4 à 2. Bon, on avait parlé de contre Victoriaville. Le 19 octobre dernier, on est allé vaincre Cap-Breton en prolongation par une victoire de 7 à 6, donc au pointage. On a continué ensuite notre petit voyage dans les Maritimes avec une défaite de 4 à 2 contre Charlestown et finalement contre Moncton, victoire de 7-4. Donc, même ces 4 victoires aux 5 derniers matchs, tranquillement, Shawinigan peut-être sur place, peut-être qu'ils vont... Ils vont retrouver le chemin de la victoire et participer aux éliminatoires. Mm-hmm. Et rapidement, en terminant, là, je voulais amener de quoi de nouveau parce que dans 15 semaines, exactement, c'est les Olympiques d'hiver qui commencent. C'est rare qu'on compte en semaine. Hein? C'est vrai. Moi, je les ai comptés parce qu'il y a 15 disciplines olympiques. OK. Puis avec les 15 prochaines semaines, je voulais vous présenter c'est bon, un ça. Sport par semaine, une discipline par semaine. Et cette semaine, je voulais débuter avec le ski de fond, rien de moins. Wow. Et, j'ai jamais entendu parler du ski de fond, rien de moins. Non. C'est après le ski en pente. Il y a le ski alpin et il y a le ski de fond, ou ce qu'ils appellent en anglais cross-country skiing. Ah. Mm-hmm. C'est en fait, au lieu d'être dans des descentes, il faut que tu travailles tout le temps avec. Tu utilises tes pôles, que tu utilises tes skis. Puis c'est vraiment un sport qui est très dur physiquement, très dur au niveau de l'endurance et genoux. Les gars doivent. Il y a des côtes parfois, puis il faut qu'ils montent. Tu peux le voir là, c'est vraiment des skis qui sont faits. Ben, il y a deux sortes de skis. Il y a le style libre où on va le voir un peu comme on va faire un ski alpin quand on est sur du plat, on va faire des coups de patin. Mm-hmm. Là où il y a le style classique où c'est comme si les skis où tu peux lever ton pied pour pouvoir avancer. Ouais. C'est vraiment un style bizarre. Et c'est quand même des courses qui sont assez longues. Chez les hommes, la course la plus longue, c'est 50 km. C'est des courses qui prennent 2-3 heures à faire facilement. C'est un sport et on a un représentant qui est très très fort, Alex Harvey. Mm-hmm. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là ici. Ça dit quelque chose. Hein. Oui. Donc Alex Harvey qui avait remporté les Coupes du Monde à Québec l'année dernière. C'est un sport qui est très difficile physiquement, très difficile au niveau de l'endurance. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a le 15 km chez les hommes, 50 km chez les hommes aussi. Il y a des relais. Il y a le ski de fond cross-libre, donc ils font une partie en style classique, une partie en style libre. Donc au milieu de la course, ils s'arrêtent comme un pit stop, là, je vais dire ça comme ça. Une bécosse. Et ils vont changer de ski, ils vont changer les fixes sur leur ski pour pouvoir continuer dans le deuxième style. Il y a un sprint aussi d'1,5 km, il y a sprint par équipe. Du côté des femmes, c'est des 10, des 30 km, des relais. Donc, il y a vraiment beaucoup de compétitions, plusieurs médailles. On a des espoirs de médailles à plusieurs niveaux. Et c'est le premier sport que je voulais parler parce que c'est probablement le sport qui demande le plus d'endurance aux Olympiques. Là. C'est un peu comme le cyclisme du côté au niveau de l'été. Là. C'est des longues courses. Il faut vraiment qu'ils gèrent bien leurs courses. Et la dernière compétition, c'est le 50 km qui a lieu la dernière journée chez les hommes. C'est toujours plaisant à regarder. T'sais, de voir c'est qui a le plus d'énergie, qui a le plus de volonté au final, parce que c'est pas juste une question d'énergie. Mais à un moment donné, quand 50 km, là, c'est plus que marathon, on va se dire. Ouais. Mais c'est quand t'as pu, ça fait mal, c'est comment tu continues quand, passes en deuxième vitesse, puis tu continues, puis tu fais fi de la douleur, puis tu vas chercher cette médaille-là olympique. C'est vraiment quelque chose. Ça prend des années d'entraînement, c'est pas rien. Puis, tu sais, dehors, là, présentement, ils s'entraînent quand même, même s'il n'y a pas de neige. Ouais. Ils ont des skis spéciaux qui leur permettent de pratiquer. Donc, c'est un sport qui est quand même accessible à tous. Il y a des pistes de ski de fond un peu partout. Si on va au parc de la Mauricie, il y en a. Ça prend juste des skis de fond. On embarque sur nos skis, puis on va se faire du plaisir en forêt. Ça peut être des belles randonnées, des belles journées d'hiver, un peu comme la raquette. Donc, c'est accessible à tout. Pas juste pour les Olympiens. On s'attend à ce que tu aies en faire et que tu nous ramènes tes propos. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas de skis de fond. Moi, j'ai des skis alpins. Ah, des excuses. Mais tu peux les louer, je pense, les skis de fond. Oui. On peut les louer. Merci, Marc-Olivier Dumas. Ça fait plaisir. Un autre sport la semaine prochaine. Et tu vas faire comme moi et Tania. On commence l'émission en disant le nombre de jours qui reste avant la fin de l'année. Toi, c'est le nombre de jours avant qu'on soit au mois de janvier. Février. Nombre de semaines. Le février. Ouais, ouais. Ça débute les Olympiques. Menteur. Je savais. 9 février, c'est un dimanche. Là. Vendredi. Ça a du sens, là, vendredi. Vendredi, oui. Merci, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Dis-moi. On remercie aussi Jimmy Thibodeau pour sa chronique sur les gauchers bien vus. Merci à Dominique Mabungo. Exactement, pour Voix d'Afrique. Ouais, merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, les palmarès, c'est fou. On va être ensemble, toi et moi, vu que t'as pas d'examen, t'as pas de cours aujourd'hui, Tania. Mm-hmm. Donc, on va faire la portion de nouvelles entrées qu'on n'a pas fait hier. Ensuite, à 13h, rediffusion de Rock de Neuron. À 15h, c'est dans ta face, est en direct. 16h, les pas sortables. 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et on se quitte là-dessus. À demain, 7h. Bon sirop. Matière noire. Hein? Matière noire. Ah, j'avoue, matière noire à 21 ans. C'est moins évident dans gris, hein? C'est noir. Je devrais mettre la case noire. Hey, bye! We'll be right back.